Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Comme tous les mardis soirs, évidemment, donc de 20h à 22h30. J'ai tellement réveillé Sherlock qu'il en a perdu sa bonnette. C'est ça. Sa bonnette. Ouais. Ne dis pas sa bonnette. Ouais, il faut jamais ramasser ta bonnette. Hein, je jamais se baisser. Faut jamais se baisser quand tu ramasses ta bonnette. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes certainement en terrasse vu le temps qu'il fait et que vous nous écoutez derrière un bon petit verre bien frais parce qu'il fait chaud. Ah, on a chaud. Aussi. Ah ouais, complètement. Il fait très très chaud dans les studios. On prend le relais de Chiffon Rouge hein, qui sont revenus bah, cette semaine. Ils sont revenus. Et ouais, ça fait du bien. Hein. Ouais, ouais. Bah, il était temps, hein, on se retrouvait un peu seul ici quand on venait dans, ouais, dans les studios. Il nous manquait. Et voilà, et donc on est content de revoir notre bande de copains donc de Chiffon Rouge que vous retrouvez aussi donc, tous les mardis soirs, donc de 17h30 à 19h30. Non. Moi j'aime bien quand je remonte. Tu sais, qu'on revient, là, ça sent le vestiaire de rugbyman et ça me manquait. Moi. Oui, c'est vrai. C'est ouais, vrai. Ouais. Ouais, j'espère qu'ils nous écoutent. Je suis content aussi de les retrouver, mais bon, ce que je suis un petit peu déçu pour le retour, ils auraient pu au moins payer un pot, quoi. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que ça sent un peu la petite fille négligée. Ouais, je trouve ça. On sent qu'il y en a un qui revient de Grèce. Bah, heureusement, ils ne nous écoutent pas parce que je pense pas qu'ils aient le. Ils aient l'antenne dans, au bar. Non, je pense pas. Ouais. Non, je pense pas, mais c'est enregistré. Ah ouais. Tant nous. Eh bien, Canon, justement. Bonsoir. Bonsoir, tu étais avec nous un petit peu la semaine dernière puisque tu avais des obligations. Ah oui, oui, oui, oui, je suis passé, ouais, je pouvais pas rester. Ouais. Mais ça, vous m'avez manqué. On vous entend très bien jusqu'à ce clin parce que je suis parti, enfin les quins, ce clin. Oui, oui, c'est vrai. Parti, hein. Ah, ouais, je suis parti de l'aéroport et en fait j'étais sur le. Enfin, pas le tarmac, mais j'étais en train de faire le. Alors à votre droite. Non, j'étais sur le parking complètement enfoncé. Là, des quins, il y a deux parkings là et tout ça. Et le parking qui est enfoncé, hein, pas moi. Et on vous entend très bien. Ah ouais, j'ai une belle voix, on passe bien l'antenne, surtout vous. Ouais. Bah, toi, tu peux le savoir que tu passes bien. Vas-y, vous passez bien l'antenne. Mais t'as aussi une belle voix. Hein. C'est gentil. Ouais. Je te jure que c'est vrai, mais merci. Il serait temps qu'on l'écoute et ça qu'on l'entende. Alors, quoi de neuf? Bah, ça va. Fatigué, j'ai chaud, mais ça va. Tu vas nous parler d'une petite expérience dans l'émission, puisqu'effectivement, alors attention, monsieur est passé sur la première chaîne française. Oui, bah oui. Pas plus tard que ce soir, d'ailleurs, j'ai reçu deux messages où on me parlait de ça. Ah oui, c'est marrant, quoi. Ouais. Ouais, comme quoi le monde est petit. Ouais, je vous en parlais. Bon, en plus, moi, ça me l'a joué, il y a des trucs qui m'ont surpris parce que t'as un engouement de gens que je connaissais pas et qui m'ont écrit. Et là, je me la joue pas. En public, j'ai mis un truc public simplement, et puis j'ai reçu plein de gens qui ont partagé en me disant c'est rigolo. Comme quoi, cette émission a un engouement. Parce que, en deux mots, hein, c'est quatre mariages et pour une lune de miel. Top, non, pas un enterrement. Voilà. Top, ouais. C'est bon, t'as dit deux mots. Voilà. Quatre mariages, une lune de miel. Une lune de miel sur TF1. Ouais. Et donc j'ai eu la chance. Voilà, bah, bon, tu vas nous raconter cette expérience et comment tu t'es retrouvé dans ce projet. Oui. Et puis ce qui s'y est passé, parce que moi j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que je travaille, moi, monsieur, excusez-moi. Hein, comme ça passe comme assez tôt. Je me suis pas vu. Ah, je me suis pas encore vu. Ah. J'ai reçu que des photos, que des extraits vidéo rapides, 10 secondes. Eh ben, écoute, visiblement, c'est bien passé. Je pense, oui. J'ai pu comprendre. Ouais, ça m'a même su. Ouais, franchement, j'ai eu. Et on pourra le voir sur TF1 Replay. Voilà, si vous n'avez pas compris que c'était la chaîne TF1, mais on en reparlera. Tu nous parleras de cette expérience. Tu vas roter là, non? Non, dans le XP, j'ai failli sortir du cul. Non. Bonsoir Flipkat. Oui, bonsoir. Redevenons sérieux. Bonsoir. Alors Flipkat aussi, une belle petite actualité, puisque ce week-end, tu as... Ouais, t'es chargé, oui. Ouais, et tu es allé au... Oui, il était chargé, ouais. Au Béthune Rétro, c'est ça, hein. Ouais. Bah, tu nous en parleras aussi. Ouais, si tu veux. Tu nous diras ce que c'est exactement. Parce avec que plaisir. J'ai toujours un peu du mal à bien cerner ce que c'est que l'événement Béthune Rétro, quoi. Un petit, on va dire, allez, bah, de manière globale, oui, je ouais, t'explique tu après. Tu nous expliqueras tout dans le détail, ça c'est clair, si parce que c'est un bel événement. Apparemment, il y a quand même pas mal de milliers de personnes qui s'y rendent tous les ans. J'ai fini la soirée avec des Anglais, pour te dire. D'accord. Ouais. J'ai déjà eu, il y a 3 ans de ça, des Japonaises aussi. Ah bon? Ouais. T'as préféré les Anglais? Hein? T'as préféré les Anglais, je parle. Non, elles sont rigolotes, les Japonaises. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Ah, exactement. Non, mais c'est pour dire que oui, je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur. On le voit bien, on se rend compte. Hein, oui, il y a en plus. Déjà du vendredi soir. Il y a visiblement, en tout cas dans le style, des belles têtes d'affiche. Oui, oui. C'est ça. Oui. Mmh. Voilà. Et je peux dire que ben, quand ça se termine le dimanche soir, pour nous, hein, on a difficulté à décrocher parce que on est plongé dans notre univers, on se ressource complètement. Et c'est vrai qu'on a peine à croire, ben, ça y est, c'est terminé. Ben, demain, retour à la réalité, on reprend le boulot. Et... It's a life. Ouais, ouais, et sérieusement, la difficulté, c'est parfois plus que de la nostalgie. Je peux dire, on a le cafard quand on rentre. Ouais. Ah ouais, bah, tu nous expliqueras ouais, ça, tiens, ouais. C'est curieux. Mmh. Bonsoir Sherlock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors lui aussi, hein, il a le spleen, notre ami. Oui, là, moi j'ai repris le boulot aujourd'hui. Alors, Bah ouais, c'est des choses qui arrivent, mon vieux. Bah, on se fait vite aux vacances, par contre, on se fait moins vite au boulot, je trouve. Ah ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Mais tu finis à 18h, toi. Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est pas un boulot. Enfin, aujourd'hui. C'est activité sympathique. Enfin, aujourd'hui, j'ai fini à 18h. Parce que c'est encore un peu les vacances pour les enfants que je conduis. Donc, voilà. D'habitude, c'est l'école, il termine à 16h30, donc je suis rentré à 17h. Là, il y a les vacances. Voilà, c'est Sherlock, ça. Sherlock, évidemment, on te retrouve. Alors, il y a toujours la chronique estivale ? Ah oui, là, c'est la dernière. D'accord. Dernière chronique estivale. Donc, à 21h30 ? À 21h. À 21h. À 21h, oui. Voilà, 22h, sortie Cinoche. C'est ça. Ah bah écoute, c'est parfait. Tu vas nous donner envie d'aller au Cinoche cette fois-ci ? Je sais même plus ce que c'est. Faut pas demander. Attends, je vais regarder. Lui, il les prépare vraiment un an à l'avance. Non. Mais le pire, c'est que je l'ai fait ce week-end. Mais donc il est souffrant. Il est souffrant. Aussi, il y en a peut-être un qui peut plaire. Ah bon. Ah, ouais, ok, bon. Ça marche. Okay. Et chronique estivale, ça va être. C'est sur les réinterprétations de chansons, en fait. Oui. Donc, on connaît Sylvie Vartan avec des primes. Ouais. Ben, on en entendra d'autres. Ah bien. Okay. Elle en a pas fait qu'une. Ah ouais, c'est ça le pire. Et il y a pas que elle qui a fait qui a réinterprété des chansons anglaises en français, mm-hmm. ou des chansons françaises en anglais. Des enfin nanars. Bref quoi. Des nanars. Voilà. D'ailleurs, il faudrait lancer l'idée à la maison de production de Si elle en dépend encore, hein, lancer un best-of de tous les nanars qu'elle a pu faire. Ouais. Les reprises, quoi, ça serait pas mal. Mais t'imagines le nombre d'albums. Un triple album. Ah, oui, ce serait, oui. Un triple album. Ce serait un sacré coffret. T'es un collector. Et toi, Harry, alors ? Qu'est-ce que c'est beau ? Ah bah écoute, moi, week-end sympa. Et puis, bah voilà, quoi. Non, rien de spécial, en fait. D'accord. Bon. Rien de spécial. T'es pas triste que Mireille soit morte ? Non. C'est vrai? Non. Et d'ailleurs, je salue Johnny au passage. Un petit coucou. Sincèrement, ouais. Oui, Mireille Darc qui nous a quittés, si. Enfin, je suis triste. Non, parce non que, mais triste, je veux dire, c'est. Oui, non, c'est triste, hein, pour elle. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Parce que moi, j'ai pas un souvenir mémorable de Mireille Darc. Bah, tu dois te souvenir de Le retour du grand blond. Ouais, elle avait une robe avec un décolleté mémorable. Ouais, mais c'est même pas là, moi. Enfin, non, pour moi, Mireille Darc. Enfin, voilà. C'est comme Clint Eastwood, tu vois. Un jour, je l'ai déjà dit à l'antenne. Il va disparaître. Quand même, faut pas comparer Mireille Darc. Ouais. J'ai pas de poster de lui, je suis pas tout ce que tu veux, mais c'est vrai, c'est pour moi Mireille Darc, elle a Delon, mais lui aussi, on dira Delon, mais Delon on le voit plus. Mais c'est quand même des. Voilà, on le voit de loin. Quand même des phénomènes, comme Mireille Darc, c'était quand même. Je l'ai préféré dans Star Wars quand même. Mireille Darc, Mireille Darc Vador. La cristallerie d'ailleurs est en deuil. Ah voilà, absolument. Non, mais moi j'en garde pas un souvenir mémorable. Je vais être honnête. D'accord. Ça m'avait l'air d'être une femme très sympathique, très jolie à l'époque, ouais, et encore très jolie peut-être encore aujourd'hui. Enfin, oh bah pour une jolie blonde qui n'était pas blonde d'ailleurs à l'origine. Hein, un peu moins aujourd'hui. Alors on vous parle. Oui, c'était une belle femme. C'était une brune à l'origine. Ah ouais, c'est vrai. Elle était connue en tant que blonde, mais à l'origine, si sa première apparition à la télé, je ne sais plus en quelle année, c'était une brune. Ah ouais. Mais toutes les femmes sont brunes à l'origine. Quand tu commences par l'utérus, tu te rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont rousses ou blondes décolorées. Hein. Ah, bon, on va passer on va faire une petite coupure musicale, hein, si vous voulez bien. Oui, oui, oui. Alors bah, comme il fait chaud, j'avais pensé à Riguera et Bamos à la Playa. Ah bah oui, c'est bien ça. Et ensuite, on reviendra avec Toto et Africa. Allez, c'est parti. Vamos a la playa, oh, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh, oh.

face avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, la playmate du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, Dr. B, that's me. Les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre, Dr. B, that's me. Waouh, on a de la chance parce que là c'est carrément la version naze. Oh. version longue. Tu m'avais dit que tu ferais des trucs. Et même pas, c'était même pas la version longue. Ah, parce que la fin, c'est un peu du n'importe quoi. Enfin, ouais, bah la version longue, elle dure 5 secondes de plus. C'est vrai. Je te jure. C'est un truc de fou. Oh, bon, je suis sûr qu'elle peut durer beaucoup plus longtemps. Ah oui, bah, ça c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs évidemment. Mon ami Flip 4, de quelle heure à quelle heure? De 20h à 22h30. Oh, oui, on dirait Guilux. Simone, Je ne vois plus. Non, c'est pas, non, c'était les vachettes sont lâchées. J'ai c'est perdu ça. Mes lunettes. Alors, et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on a notre page Facebook. Si vous avez envie donc nous balancer un petit message pour nous encourager ou pour nous faire un petit coucou. www.rqc si c'est pas RTL. Non, mais non, vous allez sur la page Facebook. www.80alheure.fr. Comme. Mais non, Facebook, sur Facebook, on tape 80 à l'heure sur Facebook. Ou alors il y a le 36. Non, alors c'est www.facebook.com. Vous savez qu'il n'y en a pas un qui m'a appris quand j'ai dit 3W. On va demander à l'éditeur là, qui essaie de nous joindre. Un éditeur, s'il peut appeler. Non, on rêve pas. Non. On n'a jamais aimé ton livre. Mais si c'est possible de rappeler. Qui nous appelle pendant la pause musicale. Ouais, pendant la pause musicale. C'est plus simple. Merci. Voilà, donc on raccroche, mais d'ici quelques minutes, vous pourrez, ou tu pourras, ou. Enfin bref. Jouer le standardiste. Voilà, voilà. Ah bah tu le feras, bah ouais, tu fais ça bien quand même. Ouais, tu fais ça bien. C'est bon. Non mais lâchez-vous, parlez-nous de vos vacances sur voilà, Facebook. Ah ouais, bien sûr, ah bah, il y a envie de nous parler de vacances. Alors si vous intervenez en ligne, ça va pas être possible qu'on vous réponde. Voilà, voilà, ça va être un peu compliqué. Ouais, non, ça va être on va être obligé parce qu'on peut pas prendre la ligne, malheureusement, on va pas vous entendre. On va pas vous entendre. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, chers auditeurs, toi qui es en train de nous appeler, nous avons envie de t'écouter, mais après, pendant la pause musicale, nous pourrons te répondre. Et si c'est le directeur de radio qui est en train de nous dire, mais vous n'émettez pas, on vous entend pas, plus. C'est dommage, voilà. Alors, par contre, quelqu'un nous entend et je voudrais lui faire un gros coucou et des poutou poutou. Bah, c'est Sophie, évidemment. Donc, je fais des gros poutou. Ah, on embrasse Sophie. À ma petite Sophie, donc voilà, qui nous écoute actuellement. Donc voilà. Il y en a d'autres aussi qui nous écoutent. Et bon, forcément. Mais on ne connaît pas leur nom. Ils ne se manifestent pas. Sherlock, nous aussi. Ah bon. Et d'ailleurs, on pourrait ne pas se tromper. On pourrait dire, ah ben, on remercie aussi Jacques qui nous écoute. Il y a peut-être un Jacques qui nous écoute quelque part. Allez, Karine, je lance Florence. Un défi. Allez, un petit coucou à Michael qui nous écoute. Oui, Michael. Un petit coucou à Michael. Pascal qui nous écoute. Michael qui est très très beau. J'ai vu une. Excuse-moi, je te coupe. J'ai vu une. Vous connaissez la chanteuse Marie Plateau qu'on avait déjà reçue. Ici. Oui. Et donc elle a eu l'occasion de faire un court métrage et tourner avec Yann Mervel, avec donc Michael qu'on avait reçu ici. Et oui. Il est beau comme un camion. Hein. Il y a une photo. On parle pas du même, notre... si. Si, on parle du même. C'est pour ça que j'ai bien demandé quand il avait tagué si c'était Michael Caine. Un camion, un G7. Bah, qui a roulé un petit peu. Hein. Donc on t'embrasse et puis. Non, on t'embrasse, Michael. On te taquine. On sait très bien. Et c'est pas le dernier non plus à nous taquiner. Il adore ça. Ah non, il aime et ça. On adore quand il vient nous voir. T'aimes ça. Tiens. En parlant de gens qu'on adore. Oui. Toi. Oui. Qu'on adore aussi, évidemment. On va pas parler longtemps. Alors, tu nous parlais tout à l'heure en préambule. Oui. De 4 mariages et une lune de miel. Oui, qui est passée sur TF1. Voilà. Et on a eu l'occasion de te voir quelques minutes. Voilà. Oui. Et quelques belles minutes d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai eu des retours. Chanter. et t'écouter chanter. Alors, ouais. Raconte-nous un peu comment tu t'es retrouvé dans cette histoire. Non, c'est une belle expérience. C'est-à-dire, j'ai été contacté, comme je chante de temps en temps. Des gens m'ont écouté dans un concert. En fait, je ne les connaissais pas, aux Tables de Bruegel, pour ne pas les nommer, un restaurant moucronois. Oui, ils ont pris contact avec moi. Au bout d'une semaine, ils n'arrivaient pas. En fait, ils n'avaient pas eu mon nom, puisque vous savez que j'ai un ou deux noms un peu différents. Mm-hmm. Ils ont réussi à me joindre. Ils disent, voilà, on va passer sur TF1, dans 4 mariages et une lune de miel. Et maintenant, il paraît qu'il y a une notation en fait qui va se faire sur justement l'ouverture du bal, et on aimerait avoir en fait une ouverture de bal avec un vrai chanteur, tout ça. Donc je lui ai filé le numéro de mes potes. Elle avait dit vrai chanteur. Non, donc elle m'a dit vraiment on a aimé. Elle me dit on aimerait beaucoup que tu chantes la chanson qui me colle à la peau, c'est You. You raise me up. Voilà. Mais en version juste. Et donc voilà, je suis arrivé là-bas au mois de juin, mai, au mois de mai. Au mois de mai, on a filmé là-bas. Alors c'est vraiment une bonne expérience. J'avais déjà fait un peu, de télé, voilà, comme ça, mais j'avais déjà été sous les caméras. Et là, c'est vraiment sympa. Il y a une très très bonne équipe. Ils savent faire. Caméra embarquée, caméra stabilisée. L'équipe est partout. Voilà, moi j'ai adoré ça. Voilà, on m'a demandé de chanter. Alors je me suis dit, il fait des plans sur moi. On va me voir deux fois, trois secondes à peine. Et puis paraîtrait, j'ai plein de retours là. Comme quoi, je suis passé 3 minutes 10 complet. Comme quoi, j'ai plus certainement alors, pas mon visage. Alors, méfie-toi quand même. Parce que je veux dire, on te voit pas mal aussi quand tu chantes pas. Quand je chante pas. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai, c'est normal. Parce que l'anecdote. Ah, non, c'est dommage. Je pense pas, non. Parce que j'ai zioté un petit peu. J'ai essayé de te voir en dansant. Ah, c'est con. Je t'avais dit. Alors, je vous explique parce que. connaissant un petit peu quand même comment les mecs font les plans de caméra, puisque c'est un petit peu mon domaine, quand j'ai fini de chanter, j'allais pas rester pendant des heures, j'étais pas invité, enfin je m'entends très bien avec les mariés, mais j'étais pas invité à rester à la soirée, et j'ai commencé à voir les plans, et je me suis dit, c'est vraiment l'émission où il y a les plans festifs, où ça danse et tout ça. Alors bon, vous me connaissez un petit peu, moi je me suis mis plein de caméras à faire le zouave, mais de manière... T'as pris une serviette, t'as commencé à la tourner... c'est pas une serviette, j'ai pris deux on serveuses... On s'en fout Non, j'ai pas pris une serviette, j'ai pris deux serveuses, ouais. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont coupé... donc à chaque bras et on a dansé. Par contre il faut faire quand même super attention. Oui. Parce que on n'a pas la note. J'allais encore. Dire. Voilà la note pour la soirée. Il y a une note sur la soirée. Alors si c'est genre c'était nul à chier et que la meuf elle dit alors si, le si, chanteur. La soirée il y a eu du 14, du 12. Oui ouais. C'était ah, assez bien alors. Ah, bah, ouais il y a eu du 11 ouais. C'était assez. Et j'ai eu un message perso des mariés qui eux évidemment savent s'ils ont gagné ou pas et qui ne peuvent pas me le dire et me l'ont pas dit. Ouais. Franchement je vous regarde hors donc ils ont perdu alors cherche pas. Mais non et qui m'ont dit voilà grâce voilà c'est, ils sont super contents de la soirée pas grâce à moi hein, mais ça fait partie du buzz parce qu'il y avait des notes pour justement l'ouverture du bal. Ouais. Ils avaient envie de la faire voilà, à deux, avec de la fumée de scène et un chanteur. Et ils voulaient vraiment... Je me suis fait mal ce jour-là. Mal dans le sens vocalement, je me suis vraiment posé. Ah, d'accord. Je me suis vraiment posé. D'ailleurs, on demande... Ouais, j'ai chanté, mais je me suis vraiment posé. J'étais bien et j'ai vraiment voulu envoyer sans trop faire non plus d'effet. J'ai vraiment chanté comme j'étais à l'aise. Et à part que j'avais trois caméras à 30 cm du visage, c'est impressionnant. Hein. Ah bah, vous voyez pas les plans de scène où on me voit, en fait je suis pas du tout seul. Ils ont vu tes comédons alors. Pardon ? Ils ont vu tes comédons. Ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Et bien entendu, on demandera à nos auditeurs hein, qui ont vu donc, la séquence bah, oui, de bien vouloir noter la prestation de notre ami Canon. Avec plaisir, et n'hésitez pas à vous lâcher. Alors, si vous voulez la revoir, c'est sur TF1 Replay. Ouais. Donc c'est le mariage de Virginie et de Jack hein, qui a eu lieu ouais. à. Alors c'est Evreni où tu me le dis. Et un puits. Alors en fait, c'est Warm et un puits. Voilà. Donc. Voilà, ouais. Voilà. Et non pas Estimpuis, comme j'ai entendu dans l'émission. Estimpuis. Ah ouais, bah il se trompe un peu. Ouais. Mais par contre, alors moi, ouais. Sincèrement, je vais lancer le débat, mais je vois pas du tout l'intérêt de faire ce genre d'émission. Vraiment. Bon, ça m'énerve, c'est un peu. Mais en fait, je crois que les gens regardent ça parce que l'intérêt, c'est qu'ils se mettent sur la gueule. Si t'avais oui, vraiment des gens non, positifs. Je parle pas des spectateurs, moi je parle des gens qui se marient. Oui, non, mais ils savent qu'ils vont s'en prendre plein la gueule au final. Parce que j'ai. Enfin, j'ai signé un truc de discrétion sur eux, mais il y a quand même un intéressement, hein. Oui, pour d'accord. Ah oui. Ah oui, ils gagnent un voyage. Oui. Mais ils gagnent de l'argent, mais tu peux le dire. Bah, alors, ils ont, un intéressement, ils gagnent un voyage, ils ont un intéressement au niveau, évidemment, parce que le mariage, il faut savoir, c'est pas un secret. Quand les mariés rentrent, il y a tout est fait de manière lissée. Oui, il y a quand même une préparation, il y a quand même voilà, une volonté de faire venir. Voilà. Mais si ça devient impersonnel, on voit qu'il doit avoir un briefing, parce que le truc qui m'énerve, parce que comme je savais que tu devais passer, j'avais déjà regardé la semaine dernière. C'est qu'en fait, les trois mariés jugent, qui jugent la quatrième, quand elle rentre, elle critique toujours la déco de l'église ou de la mairie. Je suis désolé, une mairie... Déjà, la mairie, tu la choisis pas, elle est comme elle est belle, elle est pas belle, voilà, c'est quand même ouais, c'est ça. Clair. Et en plus, au niveau de la déco, tu vas pas t'emmerder pour une cérémonie qui dure quoi ? Même pas une heure, trois quarts d'heure peut-être ? À décorer une mairie ou une église. À la mairie, ça dure 20 minutes. Hein. Ouais, bah voilà, donc tu vois, je pense que... Alors, je trouve ça ridicule, et à chaque fois, c'est là qu'on voit qu'il doit avoir une espèce de briefing, puisqu'il y en a qui appuient bien sur le fait... Non, mais toi, ça a duré 20 minutes, Sherlock, parce qu'ils ont vu ton visage, ils ont dit, il a l'air désespéré. Et encore, ouais, ça manque au niveau déco, par rapport à son thème, à la nana, Virginie en l'occurrence, les plumes et les paillettes. Va mettre des plumes et des paillettes quand tu as du vent dehors, non mais bien sûr. Et c'est là qu'on voit quoi, il doit avoir un prix. Eh oui, il y a du scénario. Par contre, l'équipe derrière monte en direct, ça, je peux l'attester, je l'ai vu parce que c'était très sympa. En direct. Ouais, je monte toujours en direct. Ouais. Et, je t'embrasse toi qui m'écoutes. Et, non, ce qui est assez impressionnant, c'est que derrière, t'as une équipe avec il y a 16 PC, je blague pas, hein, c'est pas trop. Hein. Je suis pas marseillais, il y a 16 PC grand écran, ils sont en train de monter avec des joggles là, vous savez les mecs que passent, le gars il parle à son équipe et puis ils sont pas deux à filmer. Hein. Il y a 16 personnes. Avec les prises de son, et en fait, quand tu vois le montage, tu vois rien quoi. Mais il y a vraiment une équipe qui bosse, hein. Ça taffe. Mais voilà. c'était une belle expérience. Alors, je me suis éclaté. En tout cas, je viens de recevoir un message en disant que c'était une très belle chanson. Ah, c'est gentil. Mais est-ce que tu l'as très bien chantée? Oui, voilà. c'est une très belle chanson. On vient juste de m'envoyer. Alors, Sophie, si tu peux me préciser si c'est une très belle chanson ou s'il a très bien chanté. Ça, c'est Sophie, rappelle-toi, j'ai des photos de toi. Voilà. J'ai du dossier. Mais en tout cas, belle expérience. Mais merci, Sophie, c'est gentil. C'est une belle expérience. Donc, si vous avez l'occasion de voir Canon dans l'émission, c'était hier. Non, c'est aujourd'hui. Ça doit être sur TF1 replay à partir de 20h. Ouais. Voilà, bah, sauf sur SFR, qui eux sont en litige avec TF1 et dont le replay a été coupé. Ah, si, par contre, vous pouvez aussi le voir sur la Une Belge. Ah ouais? Oui. Et bientôt, le 29 septembre, vous pouvez même venir m'écouter. Mais je vous expliquerai. On en parlera. Absolument. Il le passe sur la Une Belge. Bien sûr. Moi, je savais pas. T'es sûr de ça? Parce qu'il y a les droits d'exploitation belges et français, TF1, c'est chaud. Si, mais tout ce qui est série, les trucs à l'hôtel, caravane, les machins, le camping... Ouais, merde, tout. Il y a aussi, ils m'ont aussi quand je suis à l'hôtel. Non, je pense que oui, je pense que ça passe Là, ça dure quand même 4 heures. Ça passe en Belgique. Tu vas faire une série, après Martine à la plage, ce sera Canon à l'hôtel, Canon au mariage. Ouais, Canon bon, celle sans cheval. On va se refaire une petite coupure musicale, un petit Sherlock. Alors... je répète à Sophie, j'aimerais savoir si est-ce que c'est une belle chanson ou est-ce que Canon a bien chanté. Ou c'est le chanteur qui est franchement très sexy. Sophie, aussi, il est très sexy. On demande d'être un peu plus précis, s'il te plaît. Voilà, absolument. Ne donne pas la taille, s'il te plaît. Et puis aussi aux autres auditeurs et auditrices qui nous écoutent, hein, si vous avez vu le passage, ben, donnez-vous nous votre avis. Oui. Voilà. T'as encore autre à dire. Non. Et après, puis, on s'étonne que les bonnettes elles puent, mais alors. Alors, est-ce que tu pourrais. Bah, tiens, je vais faire une dédicace pour Sophie. Est-ce que tu pourrais me mettre un petit Bonnie Tyler avec Total Eclipse of the Heart? Parce que je sais qu'elle aime beaucoup. Oui, je peux. Total Eclipse du cœur, c'est pas un truc à mettre aux femmes, Harry. Connotation négative. Pour Sophie, après, pour moi, de ma part, pour la remercier, est-ce que tu peux me mettre Fais-moi l'amour de Lalanne? Je suis pas sûr qu'il l'ait ça. Non, je pense pas. Tu sais qu'elle doit en avoir du Lalanne, mais. Et tu sais que quand tu t'as. Vous savez cette anecdote, Lalanne a fait quand même, évidemment, pas mal de tubes. On l'aime ou on l'aime pas, mais il a quand même fait des tubes qui marquent. Fais-moi l'amour. Je suis pas certain que ça soit le titre en plus, mais Fais-moi l'amour. Tu as dénudé les fils qui nous lient. Ça vous parle? Je sais pas si c'est le titre. C'est une chanson. C'est une monstruosité vocale. Ouais. C'est vraiment beau à chanter derrière. Vous regardez sur Google. Si, je l'ai. Fais-moi l'amour, pas la guerre. Oui, fais-moi l'amour. Ah, tu pourrais me la mettre, ça me ferait. Je la dédicace. Comme la mettre. Je la dédicace. Demande-lui si gentiment. Tu vas te la mettre. Fais spécial du cas, je te la mets pour toi. Directement, comme ça pendant 3 minutes. Et ben, ça marche. Merci. Pendant 3 minutes seulement. Et alors, et j'en profite aussi également pour la personne qui essaie de nous joindre, qu'elle profite de l'occasion pour nous appeler pendant la coupure musicale. Et on va demander évidemment à Flipkat de raccrocher le téléphone. C'est bonsoir. Allez, donc c'est parti avec Bonnie Tyler et Total Eclipse of the Heart et Francis Lalanne. Fais-moi l'amour. Il y a un problème. Fais-moi la goutte. Fais-moi l'amour. Fais-moi la goutte. Fais-moi la goutte, c'est pas l'amour. Fais-moi la bourre, mais pas la grand-mère. Allez, c'est parti. C'est pas l'amour qui prend la. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Tonight nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Qu'on se dit, l'amour, maladie, les grains de frimas que l'on sème, les portes qui claquent, les gens et ma claque, c'est du cinéma quand on s'aime. Danger, tu as dénudé les fils qui nous lient, corps et âme. Si tu continues à les mettre à nu, je creuserai mon lit dans les flammes. Fais-moi l'amour. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Alors, Francis Lalanne avec Fais-moi l'amour, pas la guerre. Ouais. Ah, c'est une redécouverte. Alors, je regrette quand même un truc. Oui. C'est que musicalement, derrière, il trouverait d'autres arrangements. Ce serait nickel. Quoi. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Ouais, c'est un peu je trop d'accord. synthétique, ouais. synthétiseur, machin. C'est dommage, hein, parce que ça doit être une très très belle chanson. Ouais. C'est une très belle chanson, d'ailleurs. Bah, la chanson est belle. On parlait souvent du Moog, le boum boum boum, c'est ça. Hein, c'est... Ouais, donc, ils ont joué. C'est un peu sur... dommage. Et je suis sûr qu'en live, ça devrait être une chanson avec des vrais musiciens, nickel quoi. Bah pour te rejoindre, je vous invite quand même, après l'émission, à 22h31, c'est taper sur Google Francis Lalanne concert live Fais-moi l'amour, et là vous l'aurez en live avec des vrais musicos, ouais. avec des cuivres et tout ça, et ça l'emmène plus vite, c'est un... Je disais qu'il y avait un beat plus un temps hein, pour vendre temps, un temps plus rapide. Il a dynamisé. Là, c'est vrai que c'est un tout petit peu poilant. Je suis d'accord avec toi et je pense que j'ai vu le même concert dans lequel il y a la chanson du passage. Oui, on se retrouve. Oui, c'est ça. C'était l'époque. Et où il parle très longtemps avant de chanter la chanson et puis il fait tout un. Parce que le problème de Lalanne, moi, je trouve, c'est qu'il a trop parlé à un moment. Oh ouais, c'est sûr. Mais voilà. Je sais pas. Ouais. Il y a trop revendiqué, il y a trop. Ouais. Ça l'a un peu enfoncé, quoi. Non, c'est dommage. Hein. J'ose pas faire le parallèle, mais en parlant très sérieux, parce qu'on va rire. Quand tu vois Jean-Claude Van Damme, ça te donne tout de suite envie de rire. Ouais. C'est un halluciné tout ça, mais je trouve que parfois il s'exprimait. Je crois que c'est des gens qui sont tellement émotifs, c'est des gens qui ont envie de transmettre quelque chose. Ils ont peut-être pas l'élocution, ils ont peut-être pas le. Et c'est des hyper sensibles. Je pense que Lalanne, il disait des trucs parfois quand le mec. Ça me remémore effectivement une émission de télé où il a commencé à verser sa petite larme. Là, franchement, c'était surjoué. Là, ça m'agaçait. Tu te souviens de ça? Oui, ça me parle. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est des hyper sensibles. Je dis pas qu'il est pas sensible, hein, mais. Quand il s'exprimait, c'est pareil. Ouais. On aurait dit un petit garçon qui était sur le fil tout le temps. Et c'est pour ça que je parlais de Van Damme, comme on s'est tellement foutu de sa gueule. Mais il y avait des choses dans l'esprit, dans ce qu'il disait. Si tu le traduisais un peu autrement, en te disant que lui, peut-être qu'en anglais, français, il essayait de traduire un truc, c'était pas con. Tu vois, toi, tu es là, moi, je suis là. Et on est. Bon, quand tu le reprends un peu, il a pas tort. C'était un grand humaniste. Ah non, mais bien sûr. Moi, je trouve que dans l'idée, évidemment, dans l'idée, elle est pas mal. Hilarant, la façon dont il le dit. Oui, bah oui. Je crois même qu'il a créé un parti politique à un moment, non ou Lalanne ou... Ouais, je sais pas. Ah, pardon, je croyais Van Damme, j'allais dire, là, c'est rigolo. Le parti de la pectine. De toute façon, tu votes sur moi, je te pète ta gueule. Non. Mais je pense que oui, il a fait de la politique, Lalanne, à un moment. Ça, par contre, Bien de gauche, d'extrême gauche. Faudrait demander à Eddy et nos amis de Chiffon Rouge. Mais je pense aussi. Il a été très très fort extrême gauche et écologiste, enfin bref. Mais ça n'empêche pas, ça n'enlève pas son talent de chanteur, bien évidemment. Non, j'aime beaucoup Lalanne. Flip 4, oui, j'ai deux. Qui est notre Thérèse à nous. Oui. Notre Thérèse c'était, qui répond au téléphone. C'était Thérèse, hein, oui. Thérèse de Linceul qui nous avait appelé précédemment. Non, mais non, Françoise. Françoise, bah c'est pour ça que tu me demandes si c'est toi Thérèse. Toi, t'es notre Thérèse. Ah, moi, t'es notre Thérèse. Quand monsieur, tu t'appelles, je m'appelle Thérèse. Appuyez sur le bouton. Ah oui, c'est ça. Bonsoir. Alors, on revient en arrière. Évidemment, oui. Donc tu veux faire une dédicace parce qu'il y a une personne qui nous a appelé. Ça nous a Alors, fait bien plaisir. Oui, je vais faire deux dédicaces. Il y a une dame, donc Françoise, c'est bien ça. Françoise de Linceul, une dame qui est en retraite, qui nous écoute du matin au soir à RQC. Donc, ce soir, évidemment, notre émission. Et qui me disait, voilà, je suis en retraite. Je ne pars pas en vacances, mais c'est un plaisir de vous écouter. Ah bah voilà, bah écoute, ça fait plaisir. À savoir que si... C'est un plaisir de savoir qu'elle nous écoute. Voilà, et ben on lui fera une dédicace, on lui trouvera un petit titre Françoise. Tu peux te mettre sur la page Facebook et n'hésite pas à nous envoyer un petit... Quelle musique te plairait non, des non, années mais, 80 Non, non, cette dame, je ne sais pas si elle a... Je ne l'ai pas posé la question non plus, je ne sais pas si elle a Facebook. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, donc, mais elle s'est bien gardée, ça n'était pas la personne qui avait essayé d'appeler quand on était à l'antenne, je lui ai demandé. Hein, donc on connaît bien le principe des émissions. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle attendait. Ça nous fait plaisir. Voilà. Et ben voilà, ben on lui fait des gros bisous à France. Alors ça c'est. Et puis petite dédicace puisqu'on on a une nouvelle auditrice, ce soir la personne de Fanny. Fanny, oui, bonsoir Fanny. Bonsoir Alors, Fanny. Bonsoir Fanny. Et c'est Fanny au bar. qui m'a envoyé un message en disant, bon, puisque c'est la première fois qu'elle nous écoute. Lol, j'avoue que je ne m'attendais pas à entendre Total Eclipse of the Heart. Hein, ni vamos à la playa. Donc je lui ai proposé, alors j'ai dit bien entendu, je le conçois, programmation de années 80, oui Fanny, ben oui. Ça n'était pas de ma. Bah, attends, c'est... Non, elle non, est bien non. placée pour parler hein, quand même, parce que Fanny, c'est un prénom qui date de Pagnol, alors ça va. Hein. C'est vrai. Fanny, c'est du monde. Bah écoute, propose-nous un titre des années 80 et on te le, ou deux même, hein, si tu veux, on te le passera avec plaisir. Bien sûr, enfin Sherlock. Voilà. Oui, oui. Évidemment. Allez, on va continuer dans les événements qui nous entourent. Alors, oui. Reparlons-en. Il y a quand même le 2 septembre, puisque on a reçu, je vous rappelle, la semaine dernière, donc la présidente de l'association, donc Rondissima. Voilà. Oui. Voilà, il va y avoir donc l'élection de Miss Rondissima samedi soir. Le 2 septembre. Bah oui, samedi oui, soir. Ah bah c'est bien samedi soir. Ouais, eh oui, on passe en septembre. Le temps passe très vite. Donc samedi soir, donc ouverture des portes à 19h et début donc de l'élection donc à 20h avec les différentes candidates. On a eu l'occasion de rencontrer quelques-unes des candidates qui étaient avec nous. Il y avait Loulou qui était là. Il y avait aussi également Océane. Louisa. Ouais, ouais, parce que toi tu les appelles par leur petit nom maintenant. Bah ouais, bah écoute. Et j'avoue, fort sympathique. Ouais. Ah, fort sympa et vraiment bourré de charme. Sinon, il y avait Lolo aussi. Il y avait aussi Ludivine. Lulu. Bah ouais, non, mais Loulou, c'est Lolo, Lulu. Ça va. Lolo, Lulu, Fifi, Riri, Loulou. Non, mais blague à part. Et c'est un beau spectacle. Et donc, vous aurez l'occasion donc, d'assister donc, à l'élection. Donc, ça aura lieu donc, le 2 septembre. Il ne reste que quelques places. Et j'insiste fortement parce que je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est au CSE à Ouattrelo. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, vous allez sur la page Facebook et vous tapez Asso Rondissima. Et là, vous aurez toutes les informations et vous aurez peut-être l'occasion donc, d'assister à l'élection. Nous, on y fera un petit saut. Oui. Bah ouais, tiens, bah oui. Allez. Et si vous êtes trois, ça fera les trois sauts. Ouais, avec Domi, c'est les trois sauts Domi. Les trois sauts. Je connais pas ce truc-là, non. Non, c'est quoi que... Vas-y. Je ne sais plus dans quelle ordre c'est cité, mais c'est pour mettre en avant la complexité de la langue française. Les différents sens du mot saut. Ouais, un saut porté deux sauts, et puis un saut... Voilà. Ouais, je vais retrouver le truc, c'est pour ça que je vais dire. Okay. Il portait deux seaux sur lesquels il a posé son seau, tu vois. Ok. C'est donc, vrai, quand il pense, c'est complexe. Hein. Oui, oui. Ouais. Mais c'est surtout le complexe. Alors, le dire, ça passe, mais c'est l'écrire surtout. Ouais. Absolument. D'ailleurs, on va faire un test. Hein. Je vais vous dire un rébus, et s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, et il y en a évidemment. Tu veux le faire tout de suite? Oui, regarde, deux secondes. 666 égale 666, c'est quoi? Tout est là-dedans. Si, six, si quoi? Bah si. Non, c'est en langue française. Si, cigale, 666, si quoi? Bah cigale. Non. Une cigale? Non. Du bois? Si, cigale. 666, cigale. Si. Bah oui, forcément. Évidemment. Mais il n'y a pas 106. Non, si. Non, cigale, 666. Ah oui, non, moi je pensais que c'était si qui si est cigale. Ah non, si, on l'a si sans cigale. C'est au cigare. D'accord. Écoute, on va réfléchir pendant la pause musicale, hein, n'est-ce pas? Et puis on te donnera la réponse après 23h. Je venais de la donner deux fois, mais c'est pas grave. Ah bon? Attends, j'en fais deux secondes. Si, cigale, 606, 606, cigale. C'est une logique mathématique. Si 25 6, 25 cigales, 364 6, 364 cigales. Donc 6 cigales, 606 6, 606 cigales. Certainement. On s'y perd. Hein. Ouais, le jus des nouilles me coule le long des coudes. Vous me répéterez ça 50 fois. Ouais, c'est ça. C'est... À toi. Oui. 50 fois, le jus des nouilles me coule le long des coudes, le jus des nouilles me coule le long des coudes. À toi. Oui, alors je c'est un test, c'est ma chronique. Tu veux que je t'en fasse un test? Non, fais-le. Si Fusil casse un doigt dans le trou du fil, mais entre les caisses. Bah oui, si Fusil casse un doigt dans le trou du fil, la met entre les caisses. Si Fusil casse un doigt dans le trou du fil. Oui, on est arrivé à pied par la Chine. Mais en attendant, vous remarquerez qu'il m'a pas fait. Alors, le jus des nouilles me coule le long des coudes. Le jus des nouilles me coule le long des coudes. Le jus des nouilles me coule le long des coudes. C'est déjà quand même. Allez, maintenant, 5 fois, l'épaule du cœur est court pour pas. Oh, ouais, on va. Oui. Allez, c'est bon. On se croirait dans les grosses têtes, si je te jure. Ah, mais on a de grosses ici. Bon, allez, Sherlock, petite coupure musicale. Oui, c'est l'anniversaire. Vas-y, flip. Fanny nous a proposé. Moi, ça me fait plaisir. Rock de Casbah, Clash. Ok. Ah, bah, c'est étonnant, viens. Eh ben, on le passe. Oui, bien sûr. Eh ben, on le passera juste après cet hommage. Ça marche. Tu veux faire un hommage alors Bah oui, Michael Jackson, c'est son anniversaire. Enfin, ça aurait été son anniversaire aujourd'hui. Il est né en 1958, donc il aurait eu 50 ans. Ah non, 60 ans. Il est né en... Toi, 59, tu suppose. 59, hein, ouais, voilà. Ouais. 59. C'est un ch'ti. Il est né en 58. Ouais. Ouais. Donc il aurait eu 59 ans aujourd'hui. Il nous a quittés et je vais mettre un petit mégamix, comme on disait dans le temps. Hein. Il nous a quittés. Bah oui, bah un peu comme Elvis, tu vois. Ouais, mais enfin, il y en a un pas qui pense qu'il est pas mort. Il n'est pas mort. Il se droguait pas non plus. Ah non, non, mais alors il y a des théories comme quoi il serait en train de tourner un film sur sa propre mort, machin. Oui, enfin, oui c'est sûr. Ouais, c'est voilà. Théorie, alors, il est en train de passer les vacances à Calamas ou avec Elvis, son beau-frère. Ouais, c'est ça. Oui. Avec Donald Trump. Donc voilà, donc, je vais vous mettre un petit Megamix 80s Disco Megamix et ensuite on reviendra avec The Clash et Rock de Casbah. Rock de Casbah, c'est bien ça. Pour allez. Fanny. Bah oui. La voilà. Fille du boulanger. Oh. Bah si, c'est vrai. Hein. Oui. Pour Pagnol, c'est la fille va, du boulanger. Il va les mettre. Bah oui, bien sûr. Et quand Charles Clamet, c'est quelque chose. Allez, bah c'est parti. Il y a toujours un blanc avant. Dance on the floor in the round.

Et voilà, c'était donc The Clash avec Rock the Casbah. Et juste avant, c'était Michael Jackson. C'était pas la version. Ouais. Voilà. Et alors, The Clash avec Rock the Casbah, il y a Will Smith qui l'a repris dans une de ses chansons qui s'appelle Will 2K. Et alors, ça donnait ça normalement. Donc ça, c'est le morceau de la ligne de basse, c'est reprise, voilà. Donc ça, c'est le morceau de la ligne de basse des Clash. Okay. Bah, tu vois, c'est et donc c'est dans la chanson de Will Smith, ça donnait ça. Ça a été ralenti. Ouais, mais tu l'entends derrière le ping ping ping. Il a fait que ça, ouais, Will Smith, il a fait que des reprises. Oui, bah oui, c'est beaucoup de samples. Après, les chansons sont originales, on va dire, parce que c'est lui qui les a écrites quand même. Mais effectivement, c'est c'est beaucoup de samples en fait, parce que dans celle-là il y a du Grandmaster Flash et Furious 5, il y a du Clash, dans d'autres chansons il y a encore d'autres trucs. Il reprend un peu partout et il refait des chansons. C'est dommage qu'il ait pas gardé le tempo, parce que là ça pas de couilles quoi, en fait c'est plat. Bah ouais, mais le problème c'est dommage. Que dessus il rappe et c'est déjà compliqué de rapper à la vitesse où il le fait. Alors s'il avait accéléré le tempo, je crois que c'était encore plus compliqué. Tu sais que Mal Castor a la queue plate, mais il a quand même des couilles. Ouais. Oh là là, ça va loin. Ah, on a réveillé Harry. Non, pas du tout. Mais pas du tout, c'est parce que j'entends pas, moi j'ai pas le casque. On m'a piqué le casque. Ah ouais, puisqu'on vient. Qui bah oui, une invitée mystère qui est venue nous rejoindre. Mmh. Et ça fait bien plaisir, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue dans le studio, parce que moi, ça fait pas longtemps que je l'ai vue. c'est Lolo. Bonsoir Lolo. Mais ça va très bien, et vous? Bah bien, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Et bien, je suis venue vous rendre une petite visite. Ouais. T'as vu de la lumière, t'es rentré. Exactement. Et bah t'as voilà. bien fait. Parce qu'il faut savoir qu'ici, dans les studios de RQC, c'est une radio libre et les portes vous sont grandes ouvertes. Si vous avez envie donc de venir nous rejoindre, si vous êtes blonde à forte poitrine. Non, les portes sont grandes et vertes. Ouais, c'est ça. C'est grandes et vertes. Ouais, c'est ce que souvent on peut être. Non, mais si vous avez envie de partager une actualité, si vous avez envie de nous de parler d'un sujet, d'ouvrir un débat, ben on est là pour ça. Est-ce ça que fait tu plaisir. Veux partager une actualité avec moi À l'antenne? Non, quand non, même pas. Allez, hors antenne. Alors par contre, ce que je te propose, Laurie, hein, parce qu'on l'appelle Lolo communément Lolo, mais c'est Laurie. Laurie, je te propose de partager la chronique de notre ami Sherlock, chronique estivale qui va certainement te faire un grand plaisir. Moi, je fais un petit bisou aussi, on nous écoute du côté de l'Équin. Voilà, Dorothée, je lui fais un gros bisou. Et ben, elle embrasse toute l'équipe. Et ben, écoute, donc je bisous à Dorothée. Je Dorothée. Dorothée. Bisous Dorothée. Voilà. Allez, donc c'est parti. Qui a un bonnet d'ailleurs. Hein. Pardon. Bah, c'est connu, le nez Dorothée. Oui, oui, oui. Ouais. Qu'on ouais. se le dise. Ouais. Oui. Oui, il faut Dorothée. Alors comme c'est quoi déjà le restera cette année dans sa valise au milieu des chaussettes rouges et jeune à petit pois. On se prendra plus les pieds dedans quand elle regarde en bas. Ah bah ok, ouais. Alors maintenant, il va te la refaire juste. Alors, non, Sherlock. Je passe pas encore sur TF1, je la chanterai mais juste en... Mais l'important, c'est Dorothée. Ah, oui. Tout à l'heure, oui. J'arrête pas, Dorothée. Allez, donc, c'est parti pour la dernière chronique estivale. Ah ouais, ah ouais, il était temps. Attendez l'automne avec impatience. Ah oui, c'est élégance. Wow. Ouais, bah, on ouais, fait ça avec élégance. Mais élégance, ouais. Bon, alors cette semaine, je vais vous parler des, on va dire, des pires adaptations. Des pires adaptations. Bah, c'est un peu ça, en fait. Ouais, des pires adaptations. Tu sais qu'après, quand tu fais tu vas faire vœu. Avec un Z apostrophe. Quand tu dis adaptation, c'est des reprises. Oui, c'est ça. Mais pas forcément respectant les paroles originales. Ah si. Enfin... Il y en a qui l'ont fait, ouais. Qui ont repris mot pour mot, c'est-à-dire par exemple, bah, on va commencer justement avec le premier groupe, c'est le groupe Anthrax, qui est un groupe anglais, ouais, de rock, d'ailleurs. Qui est un groupe de rock anglais qui a repris Antisocial de Trust. Ah oui. Et ça donnait ça. Je crois que Philippe Catt nous l'avait fait écouter, ouais. D'ailleurs. Effectivement, c'était en anglais, je me suis trompé. Ouais, c'est pas mal non plus. Hein. Oui, c'est pas mal. Les guitares sont plus grasses. Ouais. C'est vrai. C'est un peu, elles sont un peu plus incisives, ce que je disais. C'est ça, ouais. En coréen, alors, ça doit être bien. Alors, je vais vous passer autre chose. Tout le monde connaît les Divas du Dancing. Ah oui. Oui. De Philippe Cataldo. Exact. Écrit par Jean Schultes. Ah oui, c'est exact. C'est Schultes qui a écrit ça ? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Et bah, ça a été repris par le groupe de dance néerlandais Time Shift sous le titre Don't You Feel the Beat en 1994. Ah, je crois que j'avais déjà entendu. Don't You Feel the Beat, est-ce que tu sens le rythme. Est-ce que tu sens le tempo. Et ça donnait ça. Don't You Feel the Beat. Alors, Canon me disait hors antenne qu'il préférait cette version-là quand même. Bah, je trouve que c'est assez péchu, ça me fait penser aux films français qui essayent de faire des films policiers comme Les Experts à Miami. C'est vachement mieux écrit, mais c'est beaucoup moins rythmé. Bah, c'est toujours pareil. C'est néerlandais, hein, ça. Ouais. Bah, les Hollandais sont quand même assez balèzes comme ça hein, pour les musiques de dance. Et d'ailleurs, ils étaient balèzes pour tout ce qui était Italo dance. Oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. C'est marrant. Hein. Ouais. Bah, c'est comme un truc, je vous parle de Nunchaku, vous allez vous dire, Nunchaku, c'est des spécialistes coréens et tout ça, et les meilleurs étaient les Hollandais. Un truc comme ça, championnat de film Nunch, norvégien, machin, hollandais, non mais. C'est grand du Kung Fu, ça a quand même été Jean-Claude Van Damme, hein, désolé, mais. Pas du Kung Fu, non. Karaté. Non, du full karaté, contact. Full contact et karaté. Karaté, full contact, ouais. Ouais, non, pas. Non. Non, je m'incline. Non, preuve encore. Non, Kung Fu, c'était Bruce Lee. D'accord, ok, autant pour vous. Et un qui était vraiment un bon acteur, Bruce Lee ne faisait pas du Kung Fu, il faisait du Jeet Kune Do. Ouais, il a inventé sa discipline de. Restons sérieux, nous allons nous disputer. Bon, tu nous mets ta merde. Oui, bah, oh bah. Alors écoute, tu penses pas si bien dire, bah oui, parce qu'il y a le groupe féminin coréen. Alors, désolé parce que je vais mal le commencer. Johi Ryun a repris le titre Nuit de folie du groupe Début de soirée et en français. Écoutez bien parce que les paroles sont en français, on ne comprend rien. C'est terrible, écoutez ça. C'est. C'est coréen ça. Et vous mangez des pécans. C'est une tuerie. Son premier couplet, c'est quand elle fait au fond. C'est vraiment très très bas. Elle fait au fond. C'est quatre filles qui composent le groupe. Il y en a une qui fait peur, franchement. La voix, elle me fait franchement peur. Elle a une tête de tueuse. C'est un truc de fou. Alors ensuite, parce qu'ils prennent par les Coréens. Il faut savoir qu'il y a, alors comme c'est l'anniversaire de Michael, enfin de la naissance de Michael Jackson aujourd'hui, il y a un artiste indien, enfin hindou, de la naissance de Michael Jackson. Il y a un artiste hindou qui a réadapté le titre Thriller de Michael Jackson avec un peu d'épices et beaucoup de liberté surtout. Et ça donne ça. Alors ça a fait un carton là-bas. Hein. J'adore. Le carton est resté là-bas. C'était quoi ça? Je connais pas le nom de l'artiste par contre. Ah dommage. Mais c'est Thriller. D'accord. C'est Thriller. On reconnaît, hein. Ouais. Enfin, j'ai presque envie de dire, il a repris la basse comme certains ont repris la basse. Tout ça, mais encore sûrement, ça ressemble pas quand même à Thriller. Non, mais il l'a réadapté. C'est son mec, avec le vinyle qui craque derrière. Mais non, franchement, c'est horrible. Brad Pitt. C'est horrible. C'est comme si on disait que tu ressemblais à Brad Pitt. C'est pas Flip Cap, hein, c'est Cat. Et c'est pas Brad Pitt non plus. Mais... Non. Disons qu'il fait plus Pitt que Brad. Alors là, on va revenir avec on va revenir avec des artistes français. Ah ouais, ça j'adore. Ouais. Non, ben non, même pas. Bon, allez, allez, nous déprime de Sylvie Vartan. Je vais aller chercher des Mais ouais, un jour on va faire Mais nous, You Raise Me Up de Canon. Une sale reprise. Enculé, ça prend un ça dépend dans le sens qu'on le Alors, Sylvie Vartan avec déprime, vas-y. Ça, je peux le mettre. Pour nourrir les oreilles de nos auditeurs. Voilà. Aspirine, ne perds pas ton temps, plus rien. Alors franchement, avec ton parfum d'aspirine. Tu pour des auditeurs, à chaque fois que tu veux qu'on arrête, mais faut la laisser, c'est collecteur. Mais je la mettrai une fois au complet. Mais j'en ai d'autres, N'arrête pas de nous en parler. Mais sérieux, elle a fait fort. J'avais voulu faire une chronique, mais des chansons pour te dire, les vidéos sur YouTube avaient été retirées. Ah bah, donc faut pas demander. On va faire un best-of. Elle fait quand même rire des plusieurs. Primes avec aspirine à chaque fois, je le dis. Alors, mais, aspirine, ça sentait en fait. Alors, en 81, il y a Mireille Mathieu qui reprend la chanson The Winner Takes It All du groupe ABBA. C'était peut-être pas mauvais. Avec Ça y est, tu as gagné. Bah oui. Mais là, je pars du moins mauvais au pire. Au plus pire, on va dire. Elle a fait comme plein de chanteuses et chanteurs, mais à part que elle chante bien. Oui, oui, elle chante bien. Moi, j'adore ce morceau. Elle le chante très, très bien. Voilà. Et bon, on écoute un petit peu. Je milite. Notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné. On finira pas la partie ensemble, et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné. J'ai tout perdu. On s'est tellement aimé. On ne s'aime plus. Bon, elle a une belle voix quand même. Oui, elle a une très belle voix. Mais bon, c'est vrai que après les paroles, voilà. Vous savez qu'elle était passée en radio crochet avec. Il y avait deux chanteuses, aidez-moi. Non, c'est. Non, pas Piaf. Elle a chanté. Non, je crois que c'était un radio crochet justement sur Piaf en fait. Sur Piaf, mais elle a qui elle a eu qui en face et qui a fait une carrière monstrueuse devant elle. C'est divertant. Non. Mais c'est. Comment ? Non. Il faut que nos auditeurs nous aident. Je sais pas. Mireille Mathieu, en fait, a eu une superbe carrière, mais elle est passée juste après. Elle a été seconde au Radio Crochet. Non, pas à ce point-là, mais Madonna. Madame Mouskouri. Et bonsoir, Johnny. Et n'empêche, Mireille Mathieu qui a quand même inspiré la coupe de cheveux des Playmobil. C'est vrai. C'est vrai. Et de Mireille Darc. Aussi. Alors, d'ailleurs, on salue Johnny au passage. Alors, il faut savoir qu'en 86, bah, on en avait déjà parlé dans une chronique que j'avais fait il y a quelques temps. Aussi. C'était Gérard Lenormand qui avait adapté Take My Breath Away de Berlin à la sauce française avec le bleu des regrets. Oh, et ça donnait ça. Quelques musiques sans paroles, ton visage dans la glace. J'aime le jeu des sentiments, avec ou sans les larmes. Tu m'as laissé leurs télégraphes. Le bleu des regrets. Ouais, c'est pas laissé pour longtemps quoi là. Mais il y a quoi, la couleur télégramme? Tu m'as laissé le bleu de tes regrets. Ouais, bah. Chasseur éditeur, enfin, il y a un moment, il n'y a pas de sens. Les avions de chasse au départ, c'était. Ouais, bah oui, bah c'était pour coller au thème de. Et c'était la musique Flip 4 du film. Oui, évidemment. Tom Gunn avec Top Gun. Avec Top Cruise. Avec Top Cruise et Cruise. Tom Gunn avec Top Cruise. Tom Gunn avec Top Cruise. Non, c'est parce que je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé des télégrammes dans les paroles. Oui. Et le bleu des regrets. Oui. Et que ça n'avait pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Bah, hein. Ça rime pas, alors, surtout. Si, ça a un sens pour toi. Ben non, j'étais en train de me demander, parce que de mémoire, je sais pas si les télégrammes étaient pas bleus. Oh, je sais pas. T'es pas con. Mmh. T'as raison. C'est pas. Mmh. C'est pas j'étais en train de me poser la question. C'est pas complètement intelligent, mais c'est pas con. Mais c'est pas faux. Mais c'est pas complètement intelligent. C'est pas con, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est vrai. Quand tu envoyais les télégrammes, ils étaient bleus. Il me semble. Et c'était livré par avion de chasse. Avec la gueule collée contre la glace, jusqu'à ce qu'il va perdre les dents, parce que le devant. Bon, avant ça, en 80, il y avait Ringo qui avait repris Video Kill the Radio Stars des Buggles, avec le titre « Qui est ce grand corbeau noir ?» J'adore, c'est que t'entends pendant tout le début de la chanson, c'est et à la fin, c'est dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Il reprend sa voix normale, quoi. J'ai un doute, mais dans les chœurs, il y aurait pas Sheila. Oh, je sais pas. Parce que quand t'écoutes bien derrière, je suis là. Non, c'est pas ça. Il y aurait peut-être Sheila, parce qu'on rappelle quand même que Ringo était, était mari de Sheila, et je sais pas dans les voix derrière, tiens. Ah, je sais pas. C'est à l'info. On a toujours été balèze. Il y en a une, bon, je sais, c'est pas les années 80. C'était le fameux sous-marin jaune de Yellow Submarine qui est devenu en français le sous-marin vert. Ouais. Alors, c'est peut-être avec le transfert, c'est quand il a traversé la Manche, le channel, avec l'oxydation, le cuivre est devenu vert. Mais ouais, j'avoue que c'est débile. Franchement, débile. Non, mais je pense qu'on a été balèze pour pas mal de chansons. Ou alors, tout simplement, ceux qui traduisaient, ils savaient pas parler anglais. C'est tout. Bah, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas remonter loin. Hein. Johnny, je pense que lui aussi décroche le pompon. Et quand tu écoutes bien les paroles. D'ailleurs, on salue Johnny. Oui, on salue au passage. Hein, Laetitia, moi, en ce moment. Mais... ouais. Mais. Non, mais c'est, les chansons n'avaient rien à voir avec les originaux, en fait. Ah, bah, bien sûr. Et je pense oui. que c'était pas une question de droit d'auteur aussi. Ah, c'est possible, oui. Peut-être. Ouais. Ouais. Et bien, justement, en 80. En 83, pardon, Dick Rivers reprend le classique Twilight Times des Platters. Oh mon dieu. Avec oui, le titre si, je me rappelle. Les yeux d'une femme. Ah oui. Et ça donnait ça. J'ai joué beau cartes pour le Houren Bacal. Aux yeux d'une femme. Désabusé mais sentimental. Aux yeux d'une femme. Quand elle est entrée dans ma vie ce vendredi, j'avais pas ce qu'étaient les yeux d'une femme. C'est l'Eldorado couvert de larmes, les yeux d'une femme. Un mélange d'érotisme et de charme, les yeux d'une femme. Quand elle me regarde, j'ai l'impression de l'embrasser. Je ne sais plus parler aux yeux d'une femme. J'aime tous ces longs silences fragiles qui planent entre nous deux, en gris et en bleu. J'aime ces instants d'amour cachés. plus fort que les aveux des amoureux. J'abandonne Mozart et Picasso aux yeux d'une femme. Je te dis que tout l'or du monde c'est zéro aux yeux d'une femme. J'ai pas besoin de la voir en film. Bah sincèrement, bon, c'était pas déplaisant. Hein. Non, je trouve qu'il a quand même fait une bonne adaptation. Ouais. Mais c'était pour montrer quand même qu'à l'époque, les adaptations, ça courait quand même. C'était quand même mieux les Platters, honnêtement. Ah oui, Non, mais c'est vrai. Ouais, voilà. Et par contre, t'étais en fin de soirée, sincèrement, t'étais au bras d'une jeune demoiselle avec qui tu dansais tout ça. C'était la chanson, c'était top, ça. C'était vachement. Bon, ça parle pour toi. Ah, si. Excuse-moi, mais j'ai pas dansé là-dessus en fin de soirée. Oui, oui, moi, en fin de soirée, j'étais avec oui, je dansais des femmes. À l'époque, oui. T'allais chercher ta meuf avec une petite fleur que tu mettais autour du poignet. Ah, c'était pas autour du poignet, je lui mettais la fleur. Mais j'allais la chercher. Et alors, il faut savoir que Claudie. Fritschmann-Trop. Oui. Désirless. Désirless, voilà. Ouais. Désirless a été reprise aussi. Bon Voyage, Voyage. Été repris par un groupe mexicain qui s'appelle Magneto. Oh, putain, avec bien sous bien le titre Buela Attends, Buela. Tu confirmes Buela Buela. Buela Buela. Désirless s'est fait reprendre par un groupe mexicain. Oui. C'était combien Ils étaient quatre, je pense. Un peu chaque jour. Du coup, ils ont traduit voyage, voyage par vol, vol. Ouais, voilà, voilà. Ok. Et ça donnait ça. Sur ce type de chanson, c'est un peu particulier quand même. Hein. Est-ce que vous connaissez quand même beaucoup de titres espagnols avec des rythmes comme ça un peu dance Non, mais. Il y en a, hein, mais. Après, je pense que c'est surtout qu'ils ont voulu faire à peu près du mot à mot en fait. Et traduire mot à mot en espagnol, ça rime pas forcément et ça fait pas forcément beau. Quoi. C'est comme si tu prends un titre en anglais et que tu le traduis mot à mot en français, ça va pas être beau. Non. Après, il faut réadapter aussi le sens un petit peu un des peu phrases. Comme you raise me up. Par exemple. et tu traduirais ça comment toi, you raise me up? Bah, c'est tu m'élèves, en fait, tu me propulses au-dessus de tout, quoi. Tu me portes. Alors, tu vois. Tu me soutiens, tu me suspends. Tu me portes. Non, c'est pas non. Tu me portes. Non, ça, c'est Marie Mathieu. Alors, et maintenant, on arrive dans le gros du sujet. On a commencé un peu avec dans ça. Dans le bif, pourquoi dans le gros? Parce que c'est des, on va dire des grosses merdes, hein, tout ce qu'elle a fait. Ok, bah voilà. C'est Sylvie Vartan. Ouais. Oh, oui, bah non, oui, Sylvie Vartan. On a fait des grosses merdes. Non, elle en a fait des très grosses. Elle en a fait beaucoup. J'allume une cigarette. Alors, il y en a une après. J'ai toujours trouvé, je sais pas comment elle a réussi. Alors, en 80, donc Sylvie Vartan a également fait quelques adaptations. Je dis quelques adaptations, c'est entre guillemets, parce qu'elle en a fait beaucoup. Dont, par exemple, Tap Tap. En 80, adaptation de Pata Pata de Myriam Makeba. Ah oui, bah oui, oui. Et ça donnait ça. N'empêche, c'est là que tu te rends compte que les chœurs, il y a des voix exceptionnelles. C'est, je peux te dire que les chœurs là-dedans, ils font toute la chanson. Ils dansent la gueule, mais non, mais ils font la gueule quand ils chantent ça. Bah, non, mais. Qui tape, sa diction, quoi. Non, mais ils chantent super bien. les chœurs. Ah oui, oui, oui. Ils doivent faire la gueule quand... Ils sont formidables, bien sûr. Quand t'as la ligne qui est en train de chanter « Top le bout de bois !» et puis là, « Top le bout de bois !» Non, mais c'est vrai que là, les chœurs font toute la chanson. Hein, parce que c'est franchement pas la voix de Sylvie Vartan qui fait... Ouais, les chœurs sont formidables derrière. Alors, « Tape le bout de bois » ou « Tape mon bout de bois ?» Non, ça c'est quatre bouts de bois qui tapent, qui tapent. Ah, je crois que c'est « Tape mon bout de bois !» Non, ça c'est l'hymne de Jackie Michel. C'est ça. Alors, mais elle a également fait « L'amour, c'est comme une cigarette » en 81. Reprise de « Morning Train » de Sheena Easton. Ouais. Et ça donnait ça. Quand tu es dans la lune, les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée. Bah ouais, là pour le coup ça t'a mis. Bah, je suis bien content que c'est la dernière de ta chronique. Ah non, c'est enfin c'est la dernière chronique estivale, mais c'est pas la dernière de la chronique. Pour Sherlock, ça aurait été peut-être bien de si t'avais pu mettre l'original. Ouais, parce que je pense pas que tout le monde connaisse l'original justement. Ah de c'est Sheena vrai, Sun, c'est bah, vrai, mais je l'ai pas là malheureusement. Tu rigoles ou quoi? Tu connais pas? The love is like a cigarette. Oui. The morning train. It's going up to your head. En fait, là, je vais zapper des pimes parce qu'on l'a déjà passé tout à l'heure. Pour me faire plaisir, parce que moi, je demande, hein, vous ne demandez jamais, vous, c'est Blue Bayou de Sheena Easton. Blue Bayou de Sheena Easton, ok. J'essaierai de trouver. Ça me ferait plaisir. Mais c'est pas années 80. 1977. Bah, ouais, il y a prescription, je pense, ici autour de la table. Et bah, on le passera dans un rendez-vous avec. Alors, donc, elle a chanté donc des primes qui n'est autre que la reprise de Sweet Dreams qu'on a écouté tout à l'heure de Eurythmics, en passant également par What a Feeling avec sa reprise nommée Danse ta vie. Vous connaissiez c'est pas ça vrai, et bah si, dance. Écoute. Danse dans le silence sur la scène de ta vie, et puis danse sur tes larmes et l'amour enfui, et danse seul dans ta tête, fais un geste, fais un pas. La musique est en toi, danse-la. Danse ta liberté. Bon, dans la commentaire. Bah, c'est ça. Mais je crois que j'ai gardé vraiment le pire pour la fin. Et ah c'est ouais vrai que et quand le... j'écoute, attends, excuse-moi, mais quand on écoute bien derrière l'accompagnement, la basse, elle est pourrie au niveau son par rapport à l'original. Bah, comme la voix. Bah ouais, voilà. La voix aussi, elle est pourrie par rapport à l'original. Alors, j'ai gardé le pire, et le pire, c'est petite dédicace pour toi, toi qui aimes les Rocky. Oui. Ah ouais, elle a fait Survivor avec The Tiger, tu m'avais dit. Ouais. Alors c'est ça. Et donc, ça, tu vois en français. Pour moi, c'est la pire dope qu'elle ait faite, franchement. J'ai nommé Faire quelque chose, reprise du titre de Survivor, Eye of the Tiger. Et le titre, c'est Faire quelque chose. Faire quelque chose. Alors, écoute bien, parce que franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est pas possible. We'll be right back. faire quelque chose. Ben, je vous le confirme, on peut s'améliorer. Bah ouais, on peut arrêter la chanson en fait. Charlotte, tu ne peux pas abréger nos souffrances. Parce que on peut arrêter cette chanson, faire quelque chose, c'est ça. Il y en a une autre. Non, non, non, je me suis arrêté là. Là, franchement, on est d'accord, c'est le summum. Mais oui. C'est pour ça qu'il est inconcevable de faire un coffret collector, genre 2 ou 3 CD, parce que ça prendrait bien 2 ou 3 CD pour mettre tous les reprises, les nanars qu'il y a pu faire. Laurie, qu'est-ce que t'en penses? C'est horrible. Ouais, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'autres mots, je pense. Mais en plus, c'est pas la juger, mais c'est quand même une grande artiste sur le papier. Mais ce que je disais, je comprends pas que des gens peuvent, il y en a qui nous écoutent, bah, expliquez-nous voilà, sur notre page comment vous pouvez écouter Sylvie Vartan par rapport, on va dire quoi, une cinquantaine d'égéries à cette époque, quoi. Je connais Johnny Hallyday, voilà. Mitchell, on aime ou pas. On salue, hein, d'ailleurs. Et vous, oui, tout à fait. Johnny Hallyday, on en profite parce qu'un jour, on pourra plus saluer. Donc, Et Laetitia, bientôt libre, explique-nous ta vie plus tard. Bientôt. Non, mais c'est pour ça, tu comprendras un petit peu pourquoi je n'aime pas la chanson française. Non, mais j'aime pas non plus. Ouais, non, mais là, c'est les extrêmes. Non, mais c'est oui, non, mais voilà. Ça, c'est pas une chanson pas non plus. Française. Oui, on est bien d'accord. C'est une chanteuse qui est... Non, c'est quelqu'un qui fait du bruit. Pas, ça, pas marqué, ça a marqué personne, quoi. Arrête. Non, non. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut que je le fasse comment écouter à Harry. C'est pas possible. Lui qui aime les Rocky. Ouais, mais t'aurais pu couper nos casques à nous. C'est pas faux. C'est ça la part de voir. Alors là, j'allais dire, on a eu des belles surprises, mais pas du tout. Ah non, non, non, bah, oh, quoi que si, Dick Rivers encore, ça... Ouais, ça va encore. Dick Rivers, ça va, ouais, bien sûr. Ouais. Si, y a eu quand même des bonnes adaptations. Mais t'aurais pu faire Freddie Mercury avec The Great Pretender aussi. C'est vrai. Ouais, qui était une très belle reprise. Là, je l'accorde. Voilà. Un peu plus électro quand même, mais belle reprise aussi. Mais il y en a plein. Hein. C'était pas une reprise aussi avec justement Mireille Mathieu et l'homme de l'Atlantide. Patrick Dufy. Oui, Patrick Dufy. Ouais. Non, ouais, c'est pas une reprise. C'était pas une reprise. Pas une reprise. Non, non, non, non, non, non, non. Non, parce que ça aussi c'était sympa. Bah, des chansons. Belle chanson, ouais. Voilà, c'était bon, il y avait rien de formidable. C'était quoi mais, déjà le titre Tu l'as d'ailleurs, hein, je pense. Un petit truc peut-être. Par exemple, regarde, c'est vieux, mais c'est des années 80. Il y a récemment François Valéry qui s'est produit. J'ai une amie Vinciane. En fait, qui est chanteuse aussi, voilà, de l'univers de Fabrizio Zeva qu'on a reçu et tout ça. Elle a été le voir, elle a discuté un petit peu avec lui. Et c'est vrai qu'il rechantait. Together We Strong, le titre. Ah oui, c'est Together possible, We Strong, bien vu. Et elle expliquait, bon voilà, comme Dream in Blue, I Dream en Bleu. Vous vous souvenez avec Sophie Marceau? Bien sûr. Bien et en sûr. Fait, c'est vrai que ça marquait vraiment une génération. Alors que il dit lui-même, c'est pas, il chante quand même mieux. C'est un peu sirupeux, mais c'est vrai que c'était mais sympa. Il est compliqué. François Valéry est très très compliqué. Ah, je sais pas, je nous avons eu l'occasion de faire une première partie de son spectacle où ça s'est fini pas très bien et qui a pas été très correct avec son public quand même. Ah oui, tu vois, il a pour content super adorable. Ouais, ouais, mais je pense que ben voilà, après c'était pas son jour aussi. Hein, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais là, il nous a fait voir de toutes les couleurs et a pas été très correct avec son public vraiment. J'imagine aussi. Enfin, moi, je suis un guignol, mais j'ai fait parfois 2-3 prestats. Tu sais, je travaille le soir, mais toi aussi, t'arrives parfois. T'as des soirs, tu chantes, t'es bien, t'as des gens qui t'aiment beaucoup, mais toi t'es un peu plus fatigué, t'essayes de tout leur donner. Et à la fin, quand tu sors, tu peux faire un selfie, tu viens et t'accroches, etc. Et moi aussi, j'ai eu, je on me connaît pas, hein, mais j'ai eu parfois aussi pas des mouvements d'humeur, mais témoin, excusez-moi, mais lâchez-moi à un moment, enfin pas comme ça, mais dans l'esprit, et peut-être qu'un artiste. Ah, mais bien sûr. J'ai vu Sloane à un moment, on peut le dire, elle est adorable, elle est formidable, elle est revenue à son public, mais à un moment, pendant une minute, on l'a vu aussi, je dis ça parce que je vais rebondir sur l'interview filmée qui va arriver dès demain. Oui. Voilà, parce que. Bon, elle est déjà arrivée. Je l'ai senti. Non, pas Sloane. Ah bon. Pas Sloane, non. Rassurez-moi, elle n'est pas arrivée. J'ai mis Thierry Pastor et. Ah si, moi j'ai vu le. Non, pas l'interview de Sloane. Non, pas celle de Sloane. Non, pas Sloane. Ah d'accord, pas je Sloane. T'as eu des bribes, mais. D'accord. Et c'est vrai qu'à un moment, elle était fatiguée. Les gens étaient adorables, mais ils étaient 300 à l'appeler. Tu te souviens qu'on. On a traversé un peu avec elle, style oui, garde du corps. Oui, mais elle l'a expliqué. Quand... Alors, tu n'étais pas là quand elle me l'a expliqué aussi. Ah oui. Ah, pour le coup, là, je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. Ah bah, explique-moi, je sais parce pas. Parce qu'en fait, tout simplement, effectivement, il y a, ah bah justement, Ludivine. Ludivine de l'association Randissima, oui. Qui nous avait chopé en disant, est-ce que tu peux t'arranger pour avoir une photo avec Sloane? J'ai dit, ouais, on va lui demander. Sloane est quelqu'un de très, très avenante. Donc, on lui a posé la question et on lui a dit, Sloane, d'ailleurs, on avait même la possibilité de la tutoyer à tel point que, voilà, quelqu'un de très, très simple. Oui, et je lui ai demandé, j'ai dit, Sloane, est-ce qu'on peut te demander un service? J'ai une amie qui aimerait faire une photo avec toi. Et elle a accepté de faire la photo. Et donc, elle est venue à côté de Ludivine pour faire la photo. Oui. Et ensuite, plein de gens sont arrivés en disant, Sloane, on veut une photo. Et c'est là qu'elle a dit non. Je ne fais pas de photos et elle est repartie. Et ça pouvait paraître bon, un peu froid. C'est ça, c'est de ça dont oui, tu parles. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'elle ne peut pas s'arrêter sur tout. Non, elle m'a expliqué pourquoi. En fait, je pense que tu devais être juste derrière, quelques mètres derrière moi, oui. Avec d'ailleurs une blonde, je ne sais pas, qui était avec toi. Oui, absolument, oui, Dorothée. Voilà, qui était là. Et donc, je pense que tu n'écoutais pas forcément ce qu'elle disait. Non, et elle me disait, Dorothée, si. Elle me disait, écoute, Harry, c'est très simple. Je n'aime pas faire de photos et d'attirer l'attention sur moi quand il y a d'autres qui se produisent sur scène. Et à ce moment-là, Pat O'Tawan se produisait sur scène. Et elle dit, je ne voulais pas. Si, si. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Si, si, concrètement. Non, oui, ça, non, je t'écoute. Mais elle m'a dit, et elle m'a dit, non, je ne peux pas. Elle dit, je vais attendre, je le ferai après. Et la preuve en est, c'est qu'à la fin de tout, que tous les artistes soient passés, elle est ressortie pour faire des photos et vendre ses albums. Hein. D'accord. Après, peut-être que tu as eu une autre version, mais moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, non, je n'ai pas d'autre version. Non, non, mais c'était... J'ai dit, ah ouais, c'est génial. Elle m'a dit quand tu... Je rejoins surtout ce que tu dis, c'est une femme ah qui ouais. est... C'est pas pour la flatter, ah ouais, parce qu'elle est fou, quoi. Adorable. Elle est vraiment... voilà, nous a raconté voilà, il y a même des choses qu'on pourrait même pas raconter à l'antenne. Ah bah, de toute façon, dans la vidéo, je lui ai promis que ça serait coupé. Je lui ai promis aussi que tout n'était pas filmé. C'est vrai qu'elle nous a raconté des choses, comme quoi la vie d'une star entre les paillettes et la réalité n'est pas toujours simple. Ah non, pas vrai. Facile dans la vie d'une femme. Et on est frustré parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas en parler. Quoi. Ça serait même pas correct par respect pour elle. Mais je pense que de toute façon, elle va sortir un elle bouquin. Va l'écrire. Elle va l'écrire. Elle le met dedans. Toutes ces choses-là, elle l'écrira. Et ça va refroidir. Ça va chier grave, je vous le dis. Ça va chier grave, ouf. Bon, en parlant de chier grave, Sherlock. Oui. On n'a pas dit se faire chier grave. Eh ben. Ah non, oui, alors, et on va quand même dire une. J'allais dire une blague parce que j'ai entendu une petite blague aujourd'hui, mais. Ouais. C'est trois cacas qui se... Ça promet, ouais. Ouais. C'est trois cacas qui marchent l'un à côté de l'autre et qui partent à la guerre. Ouais. Et là, t'as une chiasse qui passe et qui dit « Ah, je veux venir avec vous, je veux venir avec nous !» Et puis, y a un des trois qui se retourne qui fait « Non, non, la guerre, c'est pour les durs. » Oh là là là, voilà. Bon. Mignonne. Allez, à chier. Attends, moi, j'en ai une autre, si tu veux, dans le même genre. Vas-y. C'est une petite fraise, tu vois, qui est sur son fraisier. Ouais. Et il y a une crotte qui est juste en dessous, tu vois. Et puis, la petite fraise, elle regarde la crotte et puis elle lui dit « Tu as vu comment t'es ? T'as vu comment tu es moche ? T'as vu comment tu sens mauvais ? T'es exécrable !» Et puis bah la crotte elle ose rien dire parce qu'effectivement elle est pas très belle, elles sont pas très bons. Et puis la fraise elle arrête pas quoi, elle arrête pas de l'insulter et de lui dire mais regarde quoi, mais on peut pas te sentir, t'as une odeur mais tu me fais vomir. Moi je suis toute belle, je suis brillante, je suis rouge. Toi t'es noir, t'es marron, t'es blair, t'es exécrable quoi. Puis d'un coup il y a une main qui cueille la fraise et t'as la crotte qui dit à la fraise. À tout à l'heure. Oh, c'est beau. Et je fais d'ailleurs un petit coucou à Mamie Déa. C'était Mamie Déa qui m'avait raconté cette histoire. Ah, c'est beau. Et c'est ouais. Beau. Ouais, ouais. C'est beau. Voilà. Et ben, on va continuer en musique quand même. Tu as eu quoi commun entre un pédophile et une classe de scène hein. Ah, on y va. Non, non, je vous la dirai après. Oh. Ouais, on se allez, dans la... et en parlant de ça, j'ai... Ils se sont tous fait la classe de CE2. Donc... Ah, bah, bravo. Mais moi, tu sais que j'ai connu un... J'ai connu un très bon pote qui était propre. Qui était propre. Tu veux commenter? Non, mais alors, je vois comment. Rentre d'abord. J'ai ma femme qui est lourchée. Il faut rentrer. J'ai connu un pote qui était prêtre. Voilà, oui. Et il a sauté une classe. Hein. Ouais. Toute la classe. Tiens, mais vu, attends, on peut le faire maintenant. Vu ta dyslexie faciale, donc le jus des nouilles me coule le long des côtes. Ah non, c'est le jus des nouilles me coule le long des côtes. Oui, je confirme le jus des nouilles que le coule. Voilà. Okay. Dans pour continuer, c'est comme les deux curés, les deux prêtres qui vont. Ah non, non, attention, pas dans non, sous non. La douche et tout le toutif. Si, si. On n'aura plus dans 12 ans. Non. C'est ça, ils vont. T'as l'air raconter ça. Puis l'autre, il y a. Non, vas-y, coupe bon, giga. Alors, non, il y a des limites. Non. Tu la raconteras hors antenne. Alors donc, non, on va arrêter quoi. On va s'écouter. Alors, tu connais l'histoire du djihadiste? Non. On va s'écouter Marvin Gaye avec Sexual Healing. Ça, ah bah, c'est gay, pour ça, c'est pour Laurie. Voilà. Et, pour Laurie, bon, et donc, Laurie, bon, si si. Et pour Flip 4, on va mettre MC Solar avec Bouche de là. Parce que justement, il ressort un album. Apparemment, MC Solar, il va revenir là. Ah d'accord, un best-of. Non, il ressort vraiment un album. Je pensais qu'il allait mettre quelque chose de plus sympa, parce que je suis déjà tout content, tu vois. Non. De quoi les formants ? Il y a bouche d'égout. Je t'ai jure que j'ai fait une braderie, j'ai vu un disque des formants, je me suis dit je vais l'acheter pour Flip 4. Ma femme m'a dit ta gueule. Ouais, j'ai dit bon bah. Bien. Bah, bah, merci. Bah tiens, je ferai aussi un truc, ça n'a rien à voir, je passe du coq à l'âne, mais tant pis. J'ai ressorti des phrases de Desproges. C'était un, j'avais oublié que c'était un mec qui écrivait très très, très bien. Il écrivait des trucs, hein, je vous ressortirai des phrases bah, la semaine prochaine. Mm-hmm. De Pierre Desproges, il a écrit des phrases comme. Mais pas juste, c'est vrai, c'est savoureux. Vraiment, savoureux. Du type la lampe torche et le PQ aussi, quoi, tu vois. Ouais. mais plein de phrases comme ça, des petites brèves. Mais les tons ondulés et les vaches aussi. Absolument. Ouais. Allez, comme je disais. Je raconte l'histoire des deux prêtres, donc. Non, ça va aller. Allez, on y va. bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui, j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Plus tard, dans le métro, y'a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite, il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis jette-toi dans les gouttes, t'arrives direct dans la Seine. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. De là. Bouge, bouge, bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Alors j'ai bougé. Aller, partir, bifurquer. J'ai dû m'évader. J'ai dû m'enfuir. J'ai dû partir. J'ai dû m'éclipser. J'ai dû me camoufler. J'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bah tu vois, ça marche pas, Flipkat est toujours là. Hein. C'est vrai. Ouais. Dédicace pour Flipkat. Le problème avec Flipkat, c'est que comme il est pas trop fan de chansons françaises, il a pas écouté les paroles en fait. Du tout. Bah, okay. Bouge de là, il le dit au moins 50 fois dans la chanson. C'est vrai. Voilà. Non, je te taquine, Flipkat. Tu connais le proverbe, qui aime bien, châtie bien. Il paraît. Qu'est-ce bah, qu'on ouais, bah, c'est pas vrai. je m'en doutais. Vous êtes bien dans l'émission 80 heures, évidemment. Flipkat, de quelle heure à quelle heure? Ah ben, 20h, 22h30. Hein. Eh ouais, absolument. Alors, avant de laisser place à notre ami Sherlock, encore, pour nous parler des sorties Cinoche, bah, quelques événements quand même qui ont leur importance. So Magic. Et ouais, So Magic, on y arrive à grands pas. Ça va être l'une des dernières représentations de la troupe Évasion, en tout cas en public. Et je pense même une des dernières représentations de cette revue qui s'appelle So Magic. Rappelons quand même. Qui est de la troupe Évasion, spectacle, Harry. Bah, c'est ce que j'ai à dire. Ah non, tu dis c'est So Magic, dernier spectacle de la troupe Évasion, mais il faut parler de la troupe Évasion. Bah, So Magic de la troupe Évasion, c'est la troupe Évasion. D'accord. Bah, je sais pas. Si, si, c'est bien. Bon, bah, bon, et bah, parle-en, tiens. Non, je sais pas. Tu en fais partie. Clip 4, la troupe Évasion spectacle, pour toi, ça symbolise quoi? Si tu dis un gros mot, on te coupe le micro. Non, moi, je pense que. Alors, c'est deux pour être sous la douche. Flip 4, on le fait chier. À chaque fois qu'il va prendre son portable, on va lui parler. Ouais, moi, non, je crois que j'ai pas une, vraiment une dépasse. C'est parce que la première fois que j'ai entendu parler de la troupe Évasion, je me demandais déjà, quand vous m'expliquez un petit peu ce que c'était au niveau du spectacle, c'était pas du tout ce que j'imaginais, moi, à l'époque. Ah, d'accord. Alors, pour te dire, c'est un spectacle qui tourne depuis maintenant quelques années, qui a eu son succès, et qui a toujours son succès, d'ailleurs. Absolument. Et pour fêter, donc, je pense, la cinquième année du spectacle, et surtout s'offrir une dernière représentation publique, eh bien, nous allons investir, nous, puisque on en fait partie, Canon et moi-même, entre autres. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Moi. Toi, oui, c'est vrai. Donc ça va être un événement, un double événement, puisque Canon sera là, sera la dernière fois. Ouais. On aura enfin un spectacle de qualité. Non, je une tournée d'adieu, en fait. C'est la dernière fois que ça sera une dernière représentation de merde, et après, venez la voir, je ne serai plus là. Non, c'est pas vrai. Soyons sérieux. Donc, c'est So Magic. Ça se passera au mois d'octobre. Et j'ai oublié les dates. Je crois que c'est le 14 et le 15 octobre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est le 14 et le 15 octobre. Donc, c'est au CSE à Waterloo. On va commencer à faire la communication, évidemment, sur Internet, sur la page Facebook. Et on aura l'occasion de faire venir donc, la présidente et puis quelques-uns des danseurs, et des danseuses, des comédiennes. Donc il y aura un spectacle en fait le 14 à partir de 20h30 au CSE pour 39€ pour les adultes. Alors attention, les gens qui disent 39€, c'est un spectacle de plus de 2h30, vous êtes assis, des tables avec des bougies et c'est par hasard, des serveurs, un repas style un petit peu cabaret. En fait c'est Paris qui se déplace chez vous. Voilà, donc So Magic c'est l'histoire, on va naviguer sur quatre époques bien distinctes, de la libération de la France en passant par l'Inde, en passant par New York des années 1930. Et en rejoignant Paris actuellement, ses paillettes, sa fête, ses miroirs, etc. 30 comédiens, plus de 400 costumes, 65 000€ de musique et tout ça. C'est pas une petite comédie musicale, c'est pas un spectacle de quartier, c'est une très très grande troupe qui existe depuis 1981 et qui est très connue sur Évasion. Donc j'en parle un peu sur Waterloo, pardon. Donc à partir du 10 septembre, les places seront mises en billetterie sur le site Troupe Évasion Spectacle sur Facebook. Et voilà. Donc, il y aura aussi plein de points de vente. Il y aura des points de vente ici. Voilà. Il y aura l'Office de Tourisme, il y aura le Palais des Sports aussi, il y aura le Diax aussi également. Qui d'accord. Il y aura des places. Donc, d'accord. Tous les endroits où on a l'habitude d'aller. Quoi, mais, donc, voilà. Le Minoy. Ça, c'est Harry. Il fait la distribution. Le problème, c'est que si tu vois Minoy, tu payes cher pour chercher ta place. Bon, on est quand même en train de parler d'un spectacle sérieux. Donc, on en reparlera. C'est du rappelons aux gens, donc c'est une comédie musicale, c'est voilà, tous les chanteurs sont en microcast, ça chante en direct, les acteurs, les comédiens, il y a pas de texte, à part une petite vidéo à un moment, voilà, mais tout le reste est en direct directement enchaîné, c'est-à-dire on n'applaudit pas, on passe à un autre thème, c'est vraiment des thèmes, c'est une thématique complète, c'est une comédie musicale, voilà. J'aurais plaisir à avoir mal aux fesses avec Calonne. Oui, puisque voilà, on fait des cascades sur scène et à chaque fois. Ouais. Bah, sache simplement que je vais en prendre. Ça va être très très dur pour moi. Parce que j'ai commencé la troupe en 1982. Eh oui, je sais. Donc voilà, je pense qu'on va s'éclater et on va fêter cet événement et on va se défoncer comme on ne se sera jamais défoncé, mon ami. Enfin, je crois que c'est toi qui vas me défoncer surtout, mais en fait, venez voir, je vais défoncer. Oui, parce que alors pour la petite anecdote, parce que vous imaginez pas les choses, c'est que il y a un gentil, un méchant. Je suis le méchant, lui c'est le gentil, et il met une raclée à un moment et je le sens passer parce que comme on est des très, enfin, je suis un très mauvais cascadeur. Je tombe vraiment, je prends le coup et je fais semblant de rien et le lendemain je me réveille, j'ai mal au cul. Ça c'est l'anecdote du spectacle, mais pour tous ceux qui viennent voir, on a déjà répété plusieurs fois, mais impossible. On n'est pas cascadeur et en fait pour que ça soit crédible, on joue vraiment le jeu, c'est on se met vraiment dedans. Ouais. Quand il me croche dedans et je l'attrape, je vous assure qu'on fait pas semblant et qu'on s'envoie des coups et qu'on se fait chuter. On s'est déjà fait mal à s'envoyer en l'air, mais à 60 cm du sol et qu'on s'éclate, on s'est déjà fait mal. Il est revenu, je l'ai vu jouer, il m'a montré ses fesses, il était bleu mais violet. Ah, c'est vrai, j'attrape des bleus, j'attrape des bleus quand je le sais. Il y avait des j'en bleus, ai une peur, mais pas j'en possible. J'en voyais au sol. Mais ah bon, bah, tu connais ça, Sherlock, Flip 4 aussi. Les bleus sur les fesses, quand t'es, non. Non, mais quand t'es sur scène, t'as une sorte de montée d'adrénaline. Ouais, il y a une adrénaline, effectivement. Voilà, et tu sens rien à ce moment-là, quoi. T'es prêt à faire n'importe quoi. Moi, j'ai déjà eu deux côtes fêlées, une élongation, et sur scène je n'ai rien senti, mais c'est après quand j'ai terminé le numéro ou quand j'ai terminé mon truc, je sors et là je commence à souffrir, je dis il y a un problème quoi. Et ça m'est arrivé d'ailleurs avec Stéphane de la troupe Évasion qui m'a fêlé une côte quoi. J'ai fait le spectacle jusqu'au bout, j'ai rien senti, je me suis déboîté d'épaule. J'avais l'épaule au spectacle de Noël, j'avais l'époque déboîtée. Ouais. Et on me l'a remise en place et j'ai joué avec une épaule déboîtée. Et mon cher Harry, à côté, la petite anecdote, je vais me lâcher. Tu te souviens plus, en Père Noël, moi j'étais en Père Noël et tu m'as pris le bras et on a entendu dans le micro Ah Ah oui, c'est possible. Tu te souviens, et j'ai l'épaule déboîtée. Et en fait, lui, il ne savait pas. Et donc, je suis arrivé avec un nouveau costume, en fait, tout ça. Et tout le monde me mettait derrière de la glace pour essayer de tenir. Donc, il y avait 15 cm de décalage. Hein, mon épaule était en bas. Et lui, il me prend l'épaule. Ouais, oui, c'est vrai. Et dans le micro-cadre, il pouvait se gratter les genoux sans se baisser quand même. Hein. Ah, mais... les doigts de pied. J'ai ramassé. C'est la première fois que j'ai pu me gratter les couilles. C'est vrai que je te rejoins, Harry. Dans ce que tu disais tout à l'heure, ça m'est arrivé souvent. C'est des week-ends bien chargés. Ouais. Le lendemain de me réveiller, de me dire merde, j'ai mal à ma tue. Et puis, effectivement, je me souvenais pas, mais c'est que la veille, j'avais ramassé une voile dingue parce que c'était mouillé par terre. Quoi, par et là, il se retourne, et là, il se retourne et il voit un gros barbu qui est à côté. Quoi. Ouais, Philippe, maintenant, on va te dire, on t'a toujours dit que c'était une voile dingue que tu t'es ramassé. Il s'appelait Raymond. En général, je garde un. Allez, j'ai encore l'esprit clair, même le lendemain, je me souviens un peu plus. Ouais, l'esprit. Et tout le reste, il reste noir. Donc, non, mais la troupe évasion, donc le. Ah, nous, il n'y a pas de black. Voilà. Suivez ça sur on relancera l'info. Mais on va créer l'événement évidemment d'ici une semaine ou deux où la troupe va venir évidemment faire la promo, voilà. Et on en parlera sur Facebook, on en parlera partout. Je profite avant la chronique de Sherlock aussi, il y a deux événements qui vont arriver voilà, très, très importants. On va recevoir la semaine prochaine donc, le comité de Miss Eno. Voilà, qui sera représenté par Christopher Renard. Il y aura certainement Miss Tournée, Miss Moucron qui était représentée qui à l'époque. Payer, non, non, elles viennent pas. J'ai peut-être pas toutes les infos. Peut-être pas en tout. Si Christopher nous écoute, si tu nous écoutes, vas-y, relaye l'info. Elles seront là. Et la semaine d'après, il y aura Sarah Briseur qui nous parlera en fait d'un spectacle qui se passera à Seclin. Ça fait un peu loin, mais un beau spectacle avec Véro Solo qui va animer et moi-même. Mais bon, je mets Véro qui m'a convié en tant qu'artiste. Donc c'est Véro qui se met au profit d'une association qui est pas loin de la mucoviscidose et de ce que vous connaissez, aidez-moi, le Téléthon. C'est une grosse association. Moi, elle m'a contacté comme ça et on va faire le show pendant plus de 3h30 sur scène. On va s'amuser, ça va être chaud, hein, mais on va s'éclater. Donc 3h30 à faire le show. 19 septembre, c'est ça ? Ouais, Véro solo en solo, moi aussi en duo, improvisé, micro casque, machin, avec les gens et tout. On va lâcher vraiment, on lâche chaud. On est en train de préparer un peu. Lâche mais pas tout, pas trop. Même, parce que si, on va lâcher. Si, si. Retiens-toi de temps en temps. Si, si. Parce ouais, que c'est pas une soirée au profit de la gastro. Parce que ça sera ma, voilà, ça sera ma dernière. D'ailleurs, aussi, on salue Pascal au passage. Non, si, si, ça sera bien. Je vous en parlerai. On essaiera de faire gagner deux places. Et puis, c'est pour des enfants qui. Comment je suis pas un mec consensuel. Il y a plein d'enfants qui souffrent et tout ça. Je m'en moque pas, mais bon, on peut pas être là partout. Et là, c'est vrai que j'ai rencontré un peu l'association. Quand tu vois les gamins, bon voilà, et ils sont tous sauf tristes. On parlait une fois de Marjorie de Meulier qui en a encore ramassé récemment, qui est une fille qui se bat contre tout si elle nous écoute. Et là, c'est pareil, c'est des enfants. Quand tu les vois, ils ont la joie de vivre. On est des gros connards quand on se plaint. Et nous, à côté, on va faire un peu le show pour eux. Et les gamins, ils sont morts de rire, ils sont éclatés. Alors que bon, bah voilà, c'est des maladies stigmatisantes et voilà, qui ne laissent pas de chance de voir ces 90 prochaines années, il faut se le dire, ils le savent. Hein, et donc sans être triste, voilà, ça sera un bel événement. Tu nous en reparleras évidemment le 19 septembre donc à Seclin. Le 29 septembre. 29. Ok, c'est noté. Sherlock. Oui. Ah, je fais le canon parce que là. Il est en train de vomir à côté de la table. Ah, merci. Comment ça, c'est déjà... Non, mais non. C'est pas ça. Mais oui. Merci qui? Merci Han Solo. Yann Solo. Alors, vous êtes Yop Solo, le magnificent. Yann Solo dans... Alors, donc, je vais vous parler effectivement des sorties cinéma pour demain. Donc, en Belgique et en France. Je vais commencer avec la Belgique. Avec... Attends, je suis mort de rire. Harry s'est barré, en fait, à chronique. Ouais, c'est ça, il s'en fout complètement. Mais je m'en fous. C'est pas grave. Tu vas devoir me regarder, vas-y. Je vais commencer donc avec le film 7 jours, pas plus. Un film avec Benoît Paul Vord, Alexandre Alamy et Pito Bache. C'est un Indien, Pito Bache. Bah oui, c'est un film de Hector Cabello Reyes, et ça sort en France également demain. Alors, j'ai essayé de comprendre un petit peu le film, j'ai pas trop compris. Même ça va nous donner envie d'y aller, hein, je le sens. Bah, alors, même ce qui nous donne. C'est quand tu l'as compris, tu nous l'expliques, on comprend pas. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous lire le pitch. C'est quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincailler célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu et une jeune île normande qui aime les quincaillers maniaques? Flip 4. Une simple question. Tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard? Relève-t-il vraiment parlant du hasard. Yar-Yar, LFT. Voilà. Ça, c'est le synopsis du film. Ouais, super. Ouais, deuxième film. Et, voilà. Second film. Bon, ça, ça a l'air sympa. C'est une petite comédie romantique, apparemment. Voilà. Donc, il y a un Indien qui se prend une vache. Non, non. Alors, non. C'est un Indien qui arrive, qui doit venir voir apparemment quelqu'un de sa famille, mais il n'y a personne pour l'accueillir et il est pris en stop par Benoît Poulvorde qui est... qu'un cahier qui est un peu près de ses sous et tout ça, enfin bref quoi, et il va le prendre un peu sous son aile. Et ben bah voilà, on a tout compris. Bah, par rapport à ce que j'en ai compris de la bande-annonce. Alors moi il y a un truc qui m'inquiète quelque part, parce que là c'est le synopsis, ça veut dire que c'est à destination des médias, à destination des internautes, oui. Ce genre de choses, quand on a un synopsis comme ça, comment on peut donner envie aux gens d'aller au cinéma, quoi. Je suis d'accord, on se moque pour taquiner, mais c'est vrai que quand toi tu fais ta chronique, tu prends tes références, et parfois c'est vrai que les explications qu'on te donne, alors que toi t'es un animateur radio qui doit quelque part donner envie d'aller au cinéma dans notre chronique, là on te taquine, mais toi tu l'as fait très bien. C'est vrai que parfois tu nous dis tes trucs, tu souris toi-même parce que tu dis en fait on comprend pas. Mais oui, c'est fou, non, mais c'est vrai. N'importe quel Pékin qui lit ton synopsis, t'as pas envie d'y aller, quoi. C'est ça, mais moi, mais pareil, c'est parce que j'ai regardé la bande-annonce, c'est parce que j'en ai compris que j'ai compris, quoi. Après c'est peut-être pas ça du tout, hein. Ouais, mais c'est incroyable. Mais attention, enfin, tu vas quand même sur des sites officiels, c'est sur Allociné et tout ça. Ouais. Bah, ils racontent des trucs pareils. Je vais sur Allociné, je vais sur Cinébel pour la Belgique, je vais sur le site du cinéma Forever également pour voir ce qui sort un peu par ici, et voilà quoi, je me retrouve avec des synopsis comme ça, je me dis vais dire quoi, parce que donc je regarde la bande-annonce. Et même des fois dans la bande-annonce, on comprend pas ce qu'ils veulent faire passer comme message dans le film. Donc, ouais. Bon, ensuite, il y a Bonne Pomme qui sort demain en Belgique et en France avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve et Chantal Latsou. Ah. Salut, c'est Tata Chantal. C'est un film de Florence Quentin et donc c'est Gérard Depardieu qui en a marre d'être pris pour une bonne pomme par sa belle famille et il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fond du Gâtinais. En face du garage, il y a une ravissante auberge tenue par Barbara, qui est jouée par Catherine Deneuve, une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible, et donc leur rencontre fera des étincelles. En fait, elle va se servir de Pardieu pour un peu de tout, quoi. D'accord. C'est « Ah, vous avez trouvé la machine à café ? Bah, c'est gentil, vous pouvez me servir un café, tu vois, c'est un peu des trucs dans ce style-là, alors que c'est elle qui tient l'auberge. » Ouais, c'est, comédie française, quoi. C'est ça. Enfin, quoi que... Faut avouer que Depardieu nous surprend souvent quand même. Hein. Oui. C'est pas un mauvais acteur, hein, malgré tout. Non. Il fait tout et n'importe quoi, mais quand il a des bons rôles, il les joue bien. Je l'ai vu récemment dans un film avec dans Fast and Furious, qui est l'acteur principal, Vin Diesel. Ouais. Ah bon, on le voit dans un autre film avec Depardieu. Si, un film qui a 5-6 ans, très très avec une fille qui est infectée, en fait, c'est un film de science-fiction. Si, ça te parle tout de suite. Oui, si, c'est magnifique. Et Depardieu intervient là-dedans, et tu vois, c'est un film américain. Ouais. Ça boxe, c'est Vin Diesel, la fille elle est infectée, en fait elle ne supporte pas le mal, et on essaye de l'amener quelque part pour qu'elle délivre la planète. Ça fait un peu cinquième élément dans le script, ça vous parle pas? Film ultra violent, Vin Diesel, il y a 10 ans de ça, en pleine forme. Et il y a Depardieu qui fait un chef mafieux qui va aider Vin Diesel. Il apparaît pendant 7 minutes à l'écran dans sa limousine pour aider Vin Diesel. Quelle réplique! C'est un boss. Ah, ça me dit rien du tout. Il y a que lui pour incarner ça, tellement il est gros, tellement il est énorme, tellement il est puissant. C'est-à-dire, il y a que lui pour être le truculent mec dégoulinant, le mafieux, à moitié entre l'homo, l'hétéro, le mec qui te tue d'un geste et qui d'un autre côté est poète, tu vois. C'est le mec complètement halluciné. C'est un phénomène, ce mec-là. Je voulais dire quelque chose. Qu'on entend encore ma voix une dernière fois. Ok. Bon, ensuite, demain sort en France Wind River avec Elisabeth Olsen, Jeremy Rayner et Graham Greene. Alors Jeremy Rayner, pour ceux qui connaissent, c'est Œil de Faucon. Oui. Dans les Avengers. Ah, je connais pas. Celui qui a jamais tweeté, Rayner. C'est Hawkeye. Hawkeye. Tu connais pas le beau gosse habillé en noir. Ah non. Avec un arc. Tu me parles d'Avengers. T'as noté, mais ils ont pas compris. Il y a jamais tweeté, Rayner. Ah, ok, d'accord. Toi, ta gueule. Donc, c'est un film de Taylor Sheridan. Ça sort en Belgique le 20 septembre. Et donc, c'est Corey Lambert qui est pisteur dans la réserve indienne de Wind River et qui est perdu dans l'immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu'il découvre le corps d'une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l'aider à mener l'enquête dans ce lieu hostile, ravagé par la violence et l'isolement, où la loi des hommes s'estompe face à celle impitoyable de la nature. C'est beau, la bande-annonce. Oui. Ça peut être pas mal. Ouais, ouais, ouais, ça a l'air sympa. C'est peut-être une culture, une visite de la culture indienne, c'est pas mal. Ou pas, mais ça a l'air d'être beau. Je te sens perplexe, Harry. Pourquoi je sens à ce point-là? Je te sens circonspect. Vaut mieux ça qu'il circoncise. Mais... non, ça, oui. Ouais, non, non, ouais, ouais, non, non, écoute, je t'ai écouté qu'à demi-mot. D'accord. Qu'à demi, ouais. Bon. J'ai écouté que les mots intéressants, en fait. Ok. T'écoutais pas. Et donc, je vais finir avec le film Seven Sisters. C'est avec Naomi Rapace, Glenn Close et Willem Dafoe. C'est un film de Tommy Wirkola et ça sort également en Belgique demain. Donc, ça se passe en 2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instaurer une politique d'enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d'allocation des naissances, sous l'égide de Nicolette Kaiman. Confrontée à la naissance de septuplés, Terence Setman, donc Willem Dafoe, décide de garder secrète l'existence de ses sept petites filles. Confinées dans leur appartement, prénommées d'un jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elles devront chacune leur tour partager une identité unique à l'extérieur, simulant l'existence d'une seule personne, Karen Setman. Si le secret demeure intact des années durant, tout s'effondre le jour où lundi disparaît mystérieusement. Ah, ça, ça peut me et la bande-annonce a l'air vraiment sympa. C'est un scénario complètement. Ouais, ouais. Ça, c'est bien. C'est ça, j'aime si, bien. C'est pas si fou que ça. Hein, oui, parce non, mais que c'est beau, parce que j'imagine qu'en Chine, il y a eu ça quand même. Voilà. Comment on appelle ça, justement, le fait de limiter les naissances à un nom hein, C'est possible, ça. Ça finit par isme. Non, mais c'est quelque chose de terrible, effectivement. Racisme. Racisme. Par isme. Racisme. Oui, bien sûr, le fait de limiter les naissances à une en Chine ou au Japon. En Chine. En Chine, il limitait donc à une naissance. Oui. Puis maintenant, hein, il y a encore jusqu'à quelques années. Et ça a un nom, ça. C'est. Stoïcisme. Ça a un nom. Le taux de natalité a été bloqué et c'était seul enfant. Pour garder que les hommes. Sexisme. Et on est loin de la fiction parce que beaucoup de Chinois faisaient 2-3 enfants et étaient obligés de se séparer des deux autres ou essayer de les cacher. Ouais. C'est ce qui est arrivé un petit peu avec Bruce Lee notamment. Ils l'ont envoyé aux États-Unis justement parce que lui avait une sœur et qu'il ne devait pas normalement y avoir 2 enfants dans la famille. Donc Bruce Lee a été envoyé après aux États-Unis. Exactement. C'est un nom. J'ai complètement oublié, mais on va trouver. Ouais. Par contre, je rebondis, j'ai vu une émission, c'est pas une blague, là, je regarde toutes les émissions, j'en ai rien à foutre, je peux bouffer un hamburger pendant que quelqu'un se fait tuer, ça me fait rien. C'était sur justement la régulation des naissances en Chine, et là c'était filmé en moitié caméra cachée, etc., où les médecins accouchaient la femme du deuxième enfant et allait lui faire une piqûre directement dans le crâne dans la fontanelle pour le mettre dans des, on voyait les poubelles avec déchets biohazard, biotoxiques et tout ça. C'était vraiment parce que quand elles accouchaient ils tuaient le bébé. C'est une folie. D'ailleurs il y a un film qui a été qui ressemble à Léon, je l'ai plus, Robert. Non mais on voit ça, c'est qu'à un moment ils accouchent la femme, si c'est avec celui qui a fait Léon. Jean Reno, il joue avec une chinoise très très rouge, avec des cheveux très rouges, machin, complètement tatoué. En fait, c'est sa fille. Ah oui, Wasabi. Wasabi. Quand ils sont en train de réguler les naissances, il apparaît parce qu'il y a des femmes qui accouchent et que le mec va pour l'accoucher, après amener derrière dans la salle où ils vont piquer la gamine et puis c'est terminé quoi. C'était vraiment leur vie. Et je crois même que ça allait loin. Cette histoire, donc puisque comme tu le disais, effectivement. C'est relativement récent ce phénomène-là en Chine, et c'était la crainte, c'était d'accoucher d'une fille en fait. Voilà. En France aussi. Ça veut dire que alors derrière, pour confirmation, c'était en Chine et au Japon quand même. Japon aussi. Ouais, absolument. Les deux pays étaient concernés. Ils ont régulé au Japon. Ouais, absolument. Oh. Oui, alors je te parle de ça il y a quelques années, mais. Il y a combien de temps? 2002. C'est pas si vieux que ça, je pense. Ouais, 2002. Ah non, il n'y a pas longtemps que ça a été levé. Mais attention, ils peuvent quand même pas en faire 15 non plus, donc. Un et demi. Rigole pas, en France, on est quoi On est à 1,75, je crois. On fait 1,75 enfants, bien sûr. Hein. Laissez-le parler, il va s'endormir. Non, je regarde encore parce que ça. Non, c'est parce que je suis un peu perturbé parce que ce terme du contrôle des naissances, si je vous donne le terme, vous allez me dire, évidemment, vous connaissez ce contrôle. Le singularisme. Hein? je sais pas, le singularisme. Tu l'as trouvé ? Non, je l'ai pas trouvé, non. Mais il y a un nom bien précis. Ah, le coït interrompu. Non, c'est pas ça. Interruptus. Non, non, bon, alors sinon, Canon, tu irais voir quoi ? Le dernier. Le dernier, Seven Sisters. Seven Sisters. Ouais, okay. C'est pas mal, oui, ça me paraît plus capillotracté, j'aime bien. Et De Fou, j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve il est lui aussi, c'est un ovni. C'est... Ouais, il doit plus être tout jeune, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est Platoon, hein, De Fou. Oui, entre autres. Oui, c'est ça, ouais. Par exemple, ouais. Pour pas que celui-là. Ouais. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, dans Sliver aussi. Non ? Tu dis ? Dans Sliver. Dans Sliver. Ah ouais, Willem De Fou, il a joué dans Sliver, non ? Oui, c'est possible avec je William Baldwin et Charleston. Ouais. Ouais, bien sûr. Si, si, c'est bien possible. Ouais, il a joué dedans. Alors, je vais faire un petit aparté justement sur William Dafoe. Il a joué dans un téléfilm qui est passé sur Netflix. Ouais. Qui est tiré d'un manga qui s'appelle Death Note. Ouais, Death Note. Alors, Death Note, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est. En gros, il y a des dieux de la mort qui existent. Et ces dieux de la mort possèdent un carnet qu'on appelle un Death Note, donc un carnet de mort en fait. Et il y a un dieu de la mort qui, pour s'amuser, décide de lâcher son carnet de mort et de le laisser à quelqu'un sur Terre. Ouais. Et ça tombe dans les mains, alors à la base dans le manga, d'un type qui s'appelle Light Yagami, qui lui est un... manga, ouais. Ouais, ouais, c'est un gars qui est surdoué, enfin, mais pas surdoué dans le sens où on l'entend avec les lunettes, tu vois, le petit informaticien et tout ça. D'ailleurs, je vous fais une parenthèse, la semaine prochaine, je serai surdoué, mais je vous en parlerai après. Mais ok. Mais c'est le gars qui vraiment réussit tout, en fait, dans la vie. Il est beau gosse, il est super intelligent, il est d'une bonne famille, enfin, bref, quoi. Il est vraiment bien, mais c'est un gros connard, il est imbu de lui-même et tout ça, hein. Et le Death Note lui arrive dans les mains, et donc lui il va vouloir faire le monde à son image, c'est-à-dire il veut des gens qui soient bien sous tout rapport, et il va commencer à tuer des gens en notant leur nom en fait dans le carnet. Donc s'ils notent rien de spécial sur la façon dont ils meurent d'une crise cardiaque, sinon ils peuvent mourir d'un accident, un accident de voiture ou autre chose. Et à la fin, bon, il y a tout un scénario qui se distille au fil des épisodes avec un gars qui s'appelle L et qui est un super détective qu'on voit quasiment jamais. Mmh. Et qui cherche à le coincer. Mais bon, c'est deux intelligences supérieures en fait qui s'affrontent. Et là, donc Netflix a fait une adaptation. Mmh. Sauce américaine. Ça doit être bon, ça. Frites, burgers, coca et tout ce qui s'ensuit. Bof. En fait, il est beaucoup décrié parce que, à la base, le scénario était basé justement sur le fait que Light Yagami, c'est un gros con. C'est un gros connard imbu de lui-même. Et là, ils ont pris un gars qui est plus un peu le martyr, en fait, de sa classe, qui se fait un peu frapper par tout le monde. Oui, je sais, ça te fait chier, Harry, mais je sais que Canon, ça l'intéresse. Ouais, mais j'écoute en même temps. Donc, je ne parle que pour lui. Et en fait, ils ont pris ça sur le fait que il va mettre des noms de personnes à tuer pour rendre le monde meilleur, oui, et pas ça. Pour rendre le monde à son image à lui. Et tu vas le faire toutes les saisons là ou quoi ? Non, mais il y a eu qu'un téléfilm, mais le téléfilm a été mal perçu par les fans parce que justement ils ont retiré la substantifique moelle du manga. Ouh là là, ah ouais, t'as vu la ça moelle du manga. Tu pourrais recommencer parce que j'entendais mal avec le casque. Attends, je vais mettre le casque à Harry. Donc moelle du manga. Eh oui. On va faire une spéciale manga. Ah mais j'adorerais. Ah ouais. Oui, bah un manga des années 80, il n'y avait que ça. Hein. Et entre nous, il n'y avait que ça. C'est ça. Mengele, Joseph. Non, arrêtez les gars. Non mais j'ai manga, nous du Mengele. Écoute, on peut. Il passe vraiment malade heures. Ce mec. Arrête de Mengele. T'es un vrai malade, Flipkat. Quoi? T'es un malade. Laurie comprend pas là, mon avis, mais tu comprends ou pas? Ben Canon vient de l'expliquer en fait. Quoi donc? Tu viens d'expliquer, non? Mais tu vas Mengele? Oui. Ouais, oui. Non. Est-ce que tu sais qui était Joseph Mengele? Non. Est-ce que tu vois Jean-Paul II? Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est le paroxysme. Le paroxysme. Maintenant il rote plus, il dit des conneries. Le paroxysme. Mais non. C'est l'antagonisme. L'antagonisme. T'as vu? Ça finit en isme. Depuis tout à l'heure, tu cherchais. Voilà, c'était antagonisme. Les Chinois qui peuvent pas avoir d'enfants, c'est l'antagonisme. Non, c'est pas ça du tout, mais je retrouverai le terme, évidemment. Mais ça a un nom, je sais plus, c'est pas le jeunisme, mais. Ouais, je vois. Ça a un nom. Ouais, ouais, j'aime bien, mais j'ai hâte que tu le trouves, parce que ça m'intéresse. Je trouverai pour le terme exact. Donc Mengele n'était pas un garçon très sympathique. Très fréquentable, non, pas du tout. Un peu sombre, on va dire. Tu vois Adolf Hitler ? Mengele était pire. Ouais, je pense. Ouais. Bah, tout simplement, c'était un médecin SS, en fait. Voilà, qui s'amusait. Enfin, qui avait des drôles de pratiques, on va dire. Voilà. Il a fait des manipulations, après tu regardes ton frère. Voilà. Je suis un résultat de Mengele. Mengele Man. Ouais, ça se comprend. Hein. Enfin, fait... D'où la fameuse chanson qui a été faite, je pense que d'ailleurs ça n'est qu'à toi. Mengele D. Mengele. Mais non, comment elle s'appelle c'est... Oh, Mengele D. Tu vas m'aider, je pense qu'à les années 80. Mengele. Et c'est, ça commence comme ça, c'est genre, elle voulait être un nazi, tatouer des numéros. C'est beau ça. C'est beau ça. Bon. Tu veux nous dire quelque chose, un coming out? Non, mais voilà, j'arrête là, faut mieux. Ouais, je crois que. Bon, ouais, en fait, je pense aussi, ouais. J'aurais voulu après, être un nazi. Ouais, bah t'es gentil. Bah, tu diras qu'un chat, il est très nazi. Ouais. Je passerai au bureau de la compta après. Ouais. Bah, c'était sympa ton intervention, c'était la dernière, merci. Et encore, je vous ai pas raconté l'histoire des deux. Non, tu la raconteras hors antenne. Bon, en tout cas, bah, il va falloir que nous nous quittions. C'est le maillon. Alors, et on n'a pas demandé à Laurie le film qu'elle irait voir d'ailleurs. Bah, j'hésite entre le dernier et la comédie de Depardieu quand même. Alors donne-nous les deux titres. J'ai oublié le mais. Alors il y a les Seven Sisters. Oui. Et la comédie avec Depardieu, c'était Bonne Pomme. Ah bah voilà, bah, moi je pense que j'irai voir les deux. Bah, dans le premier, on est en siège duo au Forever. Donc voilà. Et ça marche. Avec en toi. Duo. En duo. Parfait. Vous allez pouvoir vous allonger tous les deux. Nickel. Ma pauvre. Avec votre cornetto. Je ferai netto, tu prends ton corps. Avec ta petite banane givrée au chocolat. Ouais, ça y est. Bon, ouais. Flip 4, sors-nous une blague. Ça sera. Bon, on vous embrasse. Par contre, ici quand même, parce que c'est important pour moi, enfin pour moi, pour tout le monde, il y a quand même, sachez une chose, c'est qu'il va y avoir donc la foire commerciale de Gaillan. Qui aura lieu donc qui va démarrer samedi ici pendant 10 jours hein, donc pendant 2 semaines donc de samedi à lundi prochain. Alors si vous aimez évidemment la foire commerciale en tant que telle, où vous avez des stands au niveau de l'habitat, au niveau de l'alimentation, la cuisine. J'allais dire, tu connais l'habitat d'idule. J'allais dire le plus acquis. J'imagine un constructeur maison individuelle qui s'appelle venez chercher un habitat du dieu. On est deux, il a pensé la même chose que moi au même moment. Oui, j'ai vu que Canon, son œil a frisé d'un coup. Je me suis dit, oh putain, il a pensé à la même chose que moi. Le salon de l'habitat du dieu. Attendez, je suis sérieux là, les gars. Je suis sérieux parce que figurez-vous que. C'est deux week-ends. Pourquoi donc... t'habites plus le Cantal? Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et t'habites à combien de kilomètres de Tours? Ouais. Sinon, côté, t'habites, à ouais. T'habites à Bavé? Bah, dans l'ascenseur, tu mets le doigt où t'habites. Hein. Mais tu mets sérieux un peu quand tu fais le chronique sérieux. Dénonce. Donc, il y a le salon commercial. Alors, ça me tient un peu à cœur parce que, effectivement, moi, je serai sur un stand et j'aurai l'occasion aussi, évidemment, de présenter donc, les deux week-ends. Donc, j'aurai l'occasion donc de. Et en plus, on m'écoute. Et d'accueillir en guest star Harry en fin d'émission. Jacques et Michel. Je vais filmer, on dirait qu'il est un prompteur. Attendez, bon. Il va rentrer. Bon, je suis sérieux. Donc il va y avoir dans le salon commercial donc Gaillan, et c'est un salon commercial qui vient vraiment juste après celui de Lille, où il y a vraiment. Après le salon de l'érotisme donc. Non. Il y a près de 70 000 personnes quand même qui viennent à ce salon. Il est très très connu. Où il y a je sais plus combien de stands, mais énormément de stands. Donc il y a un stand dans lequel je serai pour une entreprise pour laquelle je travaille évidemment. Il faut le dire. Je peux le dire. 3L Habitat et que j'aime beaucoup. Voilà, 3L Habitat. Après, je vais pas faire de promo pour l'entreprise, mais en tout cas, moi j'y serai tous les jours et je ferai de l'animation commerciale donc le samedi et le dimanche. Donc le 1er, le 2, le 9. Et le 10, sinon on est là toute la semaine, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous payez donc 5 euros l'entrée. Et vous 4 avez... euros. 4 hein euros l'entrée. C'est 4 euros. Ouais, donc, 4 okay. euros. Donc 4 euros l'entrée. Et vous pouvez aussi assister à des concerts, pas des moindres. Il y a quelques artistes quand même sympas. Bah, oui, alors le samedi 2 septembre, il y a Collectif Métissé justement qui va chanter les années 80. Ah oui, bien. Ensuite, il y a Franck Michael le 4 septembre. Et là, il n'y en a pas un qui pif. Hein. Trianne le 5 septembre, le mardi 5 septembre. C'est bien, ça. Ensuite, le mercredi 6, c'est Beatles Celebration, c'est les plus grands tubes des Beatles. Il y a Amir qui sera là le 7 septembre, Soldat Louis le 8 septembre, Philippe Laville le 9 septembre. Et le 11 septembre, ce sera l'orchestre Christian Koubiak. Il tape sur des bambous. Ouais. Non, mais ça le mérite, franchement. Moi, j'y suis déjà allé. On peut t'y voir, alors. Ah oui, moi, j'y serai. Je ne vais pas dire 24 heures sur 24. Tu peux avoir des places? Bien sûr. Ah, ça serait bien d'en donner aux auditeurs ou d'essayer d'en faire une. Ah, mais bah, alors, vous m'envoyez un message en MP, même via l'émission, et vous me dites, voilà, je veux des places pour le salon commercial. Bien sûr, avec plaisir. Pour voir l'habitat. Voilà. En 3L. Par non, contre, non, si vous non, allez non, à 3XL, ouais. L'habitat d'homme. N'hésitez pas, si vous souhaitez venir, je me ferai un plaisir de vous inviter par l'intermédiaire de l'entreprise pour laquelle je travaille, évidemment, et vous envoyer un message sur la page 80 à l'heure ou sur la page Harry, et vous faites une demande, et je me ferai un plaisir de vous donner des invitations, et on en a... une flopée, donc il n'y a pas de souci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, si vous aimez découvrir un peu les nouveaux produits, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, c'est sympa. Je ne sais pas si vous avez déjà été, c'est Gaillant Expo, oui, hein, c'est énorme. C'est énorme. Et franchement. Je l'ai fait. Voilà. C'est fatigant. Tu vas être crevé. Hein. Ah, c'est clair. Il n'y a rien de pire qu'un salon. Je me demande même si je ne vais pas dormir là-bas. Mais, tous les commerciaux qui taffent sur le terrain se disent je vais aller au salon parce que comme ça je vais boire un café, regarder les autres hôtesses, rien foutre et prendre des contacts. Tu sors de là, tu rentres chez toi, t'es mort. Ah ouais, j'imagine. Salon, t'es mort. Le bruit ambiant, toujours le brouhaha, le truc, le passage, t'es mort. Ah ouais, non, c'est clair. C'est bon, on va pas le retrouver. Notre donc voilà, donc c'est à partir de samedi, à la salle Gaillant, donc à Douai. Eh bien, on va se quitter en musique. On va peut-être demander à notre invité surprise, peut-être de faire une roulette song, tiens. Ou peut-être de demander un titre. Et je sais, un petit Barzotti, non, t'aimerais pas? Ah, si. Allez, apprends-moi l'amour. J'avais préparé un titre, mais allez, c'est parti. Alors, tu veux donc un Barzotti? Ouais. Barzotti, j'ai ça, non. Donc, tu veux quoi comme titre de Barzotti? Apprends-moi l'amour. Non, on t'a demandé ce que tu voulais de titre comme. Non, mais arrête, on est à l'antenne. Parle pas à Sherlock. Donc ça, mais ça, je l'ai fait un titre de Barzotti. Elle dit ça à côté de Canon. Elle est folle. Toi, tu prends des risques, toi. Mengele, je suis pire. Non, je. Je ça, je l'ai pas. J'ai fait une manipulation génétique. Je l'ai pas, j'ai Elle me tue. Je ne t'écrirai plus. Le Rital, madame, prends bien soin d'elle. Ah, prends bien soin d'elle, ah bah effectivement. Oui. Allez, c'est parti. Allez, on fait un petit coucou au passage à Kit Kat, qui adorait cette chanson. À Kit Kat? Ouais. À Flip Kat? Non, pas Flip Kat. Allez, c'est parti. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne, 20h, 22h30. Et puis, donc, ce sera les Miss... Miceno, c'est pas Miceno, ça? C'est ça. C'est ça, la semaine prochaine? Ah oui, absolument, Miceno. Okay. Voilà. Miceno, absolument. Ok, c'est parti. Allez, on se quitte là-dessus. Allez. Salut Flipkat. Oui, salut. Hein. Salut Lolo. Allez, ciao. Salut Canon, salut Charlotte. Ciao, salut Harry. Salut tout le monde. Salut Harry. Salut tout le monde. Elle a fini par se lasser. De cette vie, de ce métier, des éternels allers-retours entre le travail et l'amour. Puisqu'elle se tourne vers toi, essaie de l'aimer mieux que moi. Moi, je n'ai pas su la comprendre, je n'ai jamais su être tendre. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile. Prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il. Essaie au moins de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois-lui fidèle. Prends bien soin d'elle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Prends bien soin d'elle. Si je l'aime quand même,